merci beaucoup d'avoir appelé. Attendez, merci beaucoup. Rendez-vous. Ouais, ouais, t'auras pas. Attends, il y a le fou qui arrive. Dès demain, il y a le pompier pyromane qui est là. Ah non, mais c'est l'alerte. C'est l'alerte. Ouais, bien sûr. Dis-moi, je suis sûr que ça te fait bander la bite. Grave, on l'attend avec impatience avec Polo. On fait des paris pour voir si on va pouvoir le mettre ou pas. L'alerte incendie. Et est-ce que t'as déjà eu des relations sexuelles avec un habit de pompier? Avec un... Non, pas du tout. Je croyais avec un ami pompier. Depuis quand mon pied a des amis pompier, pimpon Non, jamais, non. Pourquoi parce que tu devrais, je suis sûr que ça va te... Écoute, pourquoi pas, s'il faut voir. Parce qu'il m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait comme petite pilule pour améliorer l'érection, donc... Moi, j'ai pas de problème, c'est que ça monte toujours. Moi. Ah bah, c'est ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Ah, tu balances. Je savais pas, Mickaël, t'as des petits soucis en ce moment? Non, j'ai pas de problème, c'est le doc qui est venu me demander. Je lui dis, écoute, moi, je suis pas médecin, doc. D'accord. Ça se relance là-bas. Moi, j'ai pas besoin d'infos, j'y connais pas. On trafique beaucoup de choses, on a beaucoup de produits et tout, licites et illicites. Et en fait, on fait des faux, du faux Viagra pour Karel. Voilà. Du coup, et le doc veut sa petite boîte. Et on le dit, écoute, doc, on t'aime bien. Il y a un business ici à Fun. Business caché de faux Viagra. Produit par Mickaël et son équipe pendant la journée. Exactement, oui. Et pas cher, les cachets. Ah, bah non, toujours, évidemment. Toujours la réduction même. Bon, bah, bonne soirée à vous. Demain, d'ailleurs, bonne nouvelle, puisque demain la Coupe du Monde, tu l'as dit, commence à 22h, donc on fera un petit la première mi-temps chez vous, la deuxième chez moi. Et ben, ça marche. Voilà, parfait. Et on aura des maillots de foot à vous offrir, un pack complet. C'est à mon avis Karima qui va jouer un pack complet avec maillots de foot, les pompes de foot, les Nike à 250 euros. Le ballon de foot, ça vaut 450 euros, ça gagne demain. Wow. Et j'embrasse le décolleté de Karima, je me mets dedans à chaque fois. Il t'embrasse également. Mais de loin. je l'ai embrassé toute la journée, personnellement. C'est ça. Gardez vos pulsions ailleurs, je m'habille comme je veux. T'as bien raison, exactement. Habille-toi comme tu veux. Avec un maillot de foot, je serais hyper sexy. Je n'en doute pas un instant. Non, mais là, je suis en train de te gratter, Mickaël. Oui, bon, écoute, attends. Je vais réfléchir. D'accord. Je vais réfléchir. Allez, bonne soirée. Salut. On est parti jusqu'à 2h sur Fun. Bienvenue. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Bah, moi, je voulais réagir parce qu'il m'arrivait aussi des choses un peu spéciales. Donc, je sais pas si vous voulez que je vous raconte une petite... Non, on s'en branle. Tu devrais pas dormir à cette heure-ci, là, dis-moi. Non, vous me redonnez la forme, donc j'ai pas envie d'aller me coucher, là. Ah, bah, d'accord. Tu commences à quelle heure demain, là? Demain, je commence à 8h30, mais rien à foutre. D'accord, t'es un rebelle, t'as raison. Ouais. Toi, tu te la ramènes un peu, toi. Puis, de toute façon, vous pouvez appeler chez moi, j'en ai rien à foutre, ma mère, elle sait que je dors pas. Oh là là. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. 23h02 sur Fun. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et en raison d'un mouvement de grève, vous êtes bien dans la merde. En tout cas, vous l'avez été certainement aujourd'hui, hein, pour ceux qui ont, c'était sur toute la France, en fait, les taxis ou pas? Les taxis, ouais, je crois. Enfin, les grandes villes, en tout cas. Ah, les grandes villes, d'accord, ok. Non, Lyon, parce que... Lyon, Marseille et Paris. Ah, sûr, quand même, après, quand même. Je sais pas. Bon, après, il y a eu les trains également. Alors, si en Belgique, on se dit, ouais, mais bon, ça concerne là-bas. Non, bah non, parce que l'Italie, c'était mort aussi. Hein. Donc, pour ceux qui ont voulu venir jusqu'à Paris, il y avait la grève. Hein. Train, taxi, rien ne roulait aujourd'hui. Bref, une petite journée sympathique où il vaut mieux rester à la maison, quoi. Grosso modo. Bon, j'espère que vous avez quand même pas trop galéré parce que ça continue demain. Et oui, on sera là évidemment pour vous remonter le moral de 23h à 2h du lundi au jeudi. Ça, c'est comme tous les soirs. Et puis le dimanche aussi de 20h à minuit. D'ailleurs, si ça continue jusqu'à dimanche, on sera là également de 20h à minuit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons, attention, ladies and gentlemen, va te faire enculer, gros bâtard. Virginie. Oh, le Nord en force. Virginie qu'on traîne depuis dimanche, hein, qui nous avait appelé pour une histoire à propos de la police. Elle a pas pu s'inscrire, enfin, en gros, elle a été rejetée parce qu'elle était trop vieille pour les cours de la police. Ouais. Et puis elle nous a raconté qu'elle était sur un dos avec un nouveau mec, ouais. Avec qui elle chattait par SMS. Donc on l'a essayé de la voir. On a souvent son répondeur, trois fois de suite déjà. Ouais. À chaque fois on lui laisse un répondeur et puis on a des nouvelles par le biais de Virginie tous les soirs. T'es là, Virginie? Il y a Amandine, le retour de la fameuse Amandine. Non, mais ne parlez pas d'Amandine. Ah bon? Ne parlez pas d'Amandine. Bon, d'accord. Mais non. Mais il faut pas parler d'Amandine. T'as vu, je connais, hein, je te défends, Virginie. Bah, merci. Bah, t'as vu? C'est ça. Trop gentil, ce mec. Mais oui, je trouve aussi. Bon, Virginie. Non, c'est pas... Oui. Oui, vas-y, tu allais dire. Je sais plus. Eh ben, c'est parfait. Perturbé. Ah ouais, moi je. Attends, je crois que t'allais dire. Voilà, je crois que c'est ça que t'allais dire. Ouais. Non, non, elle est pas comme ça, Virginie. Non, mais laissez-moi parler. Bah, vas-y. Alors. Je suis perturbé par la personne qui est face à moi, alors ça peut... C'est qui? C'est ton mec? Il est tout nu? C'est Johan? Il est... Il est tout nu. Virginie, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Il y a bah Johan justement qui envoie un message là sur le Facebook. Il dit: Tof, t'es un con professionnel. Ah, merci. C'est pas par rapport à... C'est pas le même Johan, peut-être, va savoir, je sais pas. Y'a quoi aussi? Message de Thomas à Mickaël: des coups de pelle pour la SNCF avec leur putain de grève. Mais je suis heureux, deux jours sans aller en cours. Eh bah, tu vois, faut voir le côté positif quand même. Y'a M Capitaine Wasabi qui dit: c'est les vacances maintenant, Mickaël tous les soirs. Eh oui! Kevin également: vous nous faites nous rêver ce soir, je vous écoute tout le temps. Rappelez Jean-François également. Attends, on l'a eu hier, il faut qu'il se repose là, il est plus jeune le petit, hein, quand même. Hein. Je rappelle que ce soir, pour gagner au top tweetos, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec. En gardant toujours le hashtag Mickaël, finalement c'était facile, ça montait, machin, etc. dans le top tweetos. Mais là on va changer. Voilà, ouais. Donc ce soir c'est le hashtag Mickaël Fun Radio. Alors j'ai déjà vu des doux là, le doux mou notamment qui se plaint parce que c'est trop long. C'est jamais que deux lettres en plus que Mickaël sur Fun. Hein. Donc arrête de te plaindre, le doux mou. Et de toute façon, si t'es pas content, c'est le même tarif. Et t'es un doux, donc tu dois faire ce qu'on te dit. Voilà, doux, exactement. Donc hashtag baptisé en plus. Voilà, sur le Twitter, hashtag Mickaël Fun Radio en un mot. Vous mettez ça en hashtag sur le Twitter et puis vous mettez votre message. Et si vous êtes bon au niveau des envois de messages, c'est-à-dire vous en envoyez beaucoup, et bien vous montrez dans le classement, et tout à l'heure à 2h du mat on fera les résultats du top tweetos et on verra lequel va repartir avec un magnifique sextoy d'une valeur quand même de 100€ quasiment offert par passagedudésir.fr. Voilà, comme ça vous connaissez le principe, et si vous voulez qu'on lise vos messages en direct à l'antenne sur le Twitter, vous mettez le hashtag Mickaël Fun Radio et vous mettez votre message tout simplement. Il y a John également qui dit excellent, terrible Clara qui a du répondant, elle se laisse pas battre, bis à l'équipe. Ouais, et il y a la vidéo de Clara Morgan également qui se fait insulter en direct dans l'émission, c'était dimanche soir, qui est à regardez, à mater sur le Facebook, le Twitter et bien sûr sur la chaîne YouTube. Tapez Mickaël officiel pour vous abonner. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne et je m'abonnerai également à la vôtre. Donc je compte sur vous pour faire également passer le message. Virginie, t'as vu Clara Morgan toi? Non. Hein? Ouais. Oh. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Oh là là! Est-ce que tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Mais non! Mais pourquoi tu l'as pas vu Clara Morgan? Bah j'étais occupé, voilà. Oh, je comprends rien. Écoute, Virginie, t'es nouveau en train de parler à 2 km de ton téléphone avec le haut-parleur ou le kit main libre ou je sais pas quoi, et on comprend rien à ce que tu racontes. C'est bon là, j'ai coupé le haut-parleur. Ah ben voilà. Donc t'as pas vu la vidéo de Clara Morgan? Pas du tout. Bon, Virginie, t'en la joue. Voilà. Virginie, ne bouge pas, on va te reprendre dans quelques minutes. Il y a un message de Cash également, qui est le pseudo bizarre, qui dit: vous êtes beau, ça change. Oh bah je te remercie, Cash. On t'en va. Quelqu'un de très bon goût. De grand talent et de très bon goût, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Magnifique. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous appelle parce que je crois que j'ai déjà discuté avec lui. Il a de belles histoires à nous raconter aussi par rapport à sa vie, là. Je pense qu'on pourra faire la soirée. Donc, Cash, n'hésite pas à nous appeler. 01 42 48 5000, tu connais le numéro. Hein, et puis, sur mon mail, Facebook, tout ça, ça fonctionne. Bon, on va prendre Raphaël qui est avec nous maintenant, là, de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Salut, Raph. Ouais. Ah, il est là. Ça va bien, Raph? Ça va. Bon bah nickel, on va se faire la colle là maintenant, Raph. Ouais, ok, ça marche. Ok, nickel, allez bah fais péter la colle. Je rappelle donc qu'il y a à gagner dans la colle les haut-parleurs Bluetooth avec la maison du GSM.com. Haut-parleurs Bluetooth qui vont te permettre de te mettre plutôt cool pendant les vacances. Et même n'importe quand, hein, dans l'absolu. Puisque tu peux directement via le Bluetooth avec ton téléphone portable, ta tablette, ton ordinateur, bref, n'importe quoi, envoyer de la musique, streamer de la musique sur le haut-parleur Bluetooth. Du coup, sans fil, tu peux mettre de la musique à fond de balle un peu partout. Alors, fais péter la colle, vas-y. Alors, je suis dans l'eau, je suis dans l'air, je suis à la tête de 25 petits soldats, et sans moi, Paris serait pris. Alors, je suis dans l'air, je suis dans l'eau, à la tête de 25 petits soldats, et sans moi, Paris serait pris, c'est ça? C'est ça. Très bien, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël suivi de la réponse, envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Donc, et si vous avez la bonne réponse avant minuit 30, eh bien on vous appelle en direct, vous donnez la bonne réponse à l'antenne, et si la bonne réponse est, enfin si la réponse est bonne en l'occurrence, eh bien vous repartirez avec les haut-parleurs Bluetooth. Donc je répète, Raphaël, je suis dans l'air, je suis dans l'eau, à la tête de 25 petits soldats, et sans moi Paris serait pris. Raphaël, je te souhaite bonne chance, on te récupérera quelques fois encore tout au long de l'émission, et puis bah on va te souhaiter bonne chance et on te récupère avant minuit 30. À minuit 30 on donne la réponse, d'accord? Ok, merci. T'as envie d'écouter un son ce soir en particulier? Rebelle. Ah ouais, bah pourquoi pas. Tiens, attends deux secondes parce qu'il est où mon son de Rebelle là? Je l'ai plus, dommage. Enfin voilà. Si, je l'ai encore, hein, mais je l'ai plus en extrait. Rebelle. Attends, si j'ai encore la voix. Ah Voilà. Black Pearl avec Rebelle. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a plus mis celui-là. On va le remettre dans un instant, tiens. Bah bouge pas, il y aura aussi le nouveau David Guetta qui est juste une tuerie. Que vous avez découvert avant-hier sur Fun Radio, vous l'avez passé toutes les heures. Puisque vous l'avez découvert sur Fun Radio, c'est normal. David Guetta a choisi la seule radio dance pour balancer le nouveau son. David Guetta, Blast Off, ce sera tout à l'heure. Et puis je vous calerai aussi le nouveau Jason Derulo avec Snoop Dogg. Ce sera Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Voilà le nouveau Jason Derulo qu'on passera tout à l'heure sur Fun Radio. Donc si vous voulez écouter les sons en particulier, eh ben demandez hashtag et Mickaël Fun Radio. Et j'avais une question également. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Je vous ai mis la question sur le Facebook et le Twitter là maintenant. Et il y a un truc comme ça qui vous rend heureux. Par exemple, je sais pas moi, selon un sondage, qui rend le plus heureux les gens, c'est de tricher. Ah ouais? Oui, la triche, c'est ce qui rend les gens heureux. Non, mais si, c'est vrai que ça rend super heureux. Genre non, parce que t'es content d'avoir réussi à. Ouais, avoir contourné le truc. Ah ouais. Genre, même quand tu peux. T'as les gens qui font la file, t'arrives à passer devant les autres gens. En étant aidé ou pas, mais du coup, comme t'es devant, t'es content. T'es heureux, t'as niqué tous les autres dans la file. Ouais, non, c'est vrai. Nul. Si t'arrives à gruger comme ça, c'est effectivement pourquoi pas. Bon, sinon, il y a aussi. Ça arrive devant faire l'amour, hein, le fait de tricher. Hein. Les gens sont plus heureux de tricher que de niquer avec leur copain ou leur copine. Non. Moi je mettrais une bonne pipe en un. Ah oui, mais ça après. À la troisième place, on a boire de la bière pour les mecs et faire du shopping pour les filles. Alors moi je déteste la bière et le shopping, vite fait quoi. Donc venez nous dire ce qui vous rend heureux, Polo. Toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Embrouiller les gens. Non, mais ça me fait. Attends, et on va remettre le. Ah bah alors t'es bien malheureux alors. Mais non, mais c'est pas. C'est que les gens cherchent des embrouilles, je leur en donne. Ah oui, je d'accord. Je suis une espèce de chevalier. T'es un Robin des Bois quoi. Non, moi, tout me rend heureux moi. Toi, je suis quelqu'un de très heureux. Oui. Tout à l'heure, il regardait une fleur et il était content. Voilà, ça se remarque pas à première vue comme ça. Raphaël, qu'est-ce qui te rend heureux toi? Moi, c'est surtout mes petits frères et sœurs. C'est mignon alors. Bon, dites-nous ce qui vous rend heureux là. Appelez-nous 01 42 48 5000 et vous pouvez aussi donner vos avis par SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message. Envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Raphaël, tu restes avec nous. Le Twitter fonctionne également avec le hashtag Mickaël Fun Radio. Leïla qui dit que je peux avoir un message de bienvenue. Bah bien sûr, évidemment. J'ai niqué ta mère, mon gros bâtard que tu es. Voilà. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, on fera les appels malveillants. Ce sera tout à l'heure avec notre ami Tov dans à peu près un quart d'heure. Johan qui dit ne pas aller à l'école, ça me rend heureux. Il y a Critic Man qui dit ce qui me rend heureux, c'est quand Mickaël met un coup de pelle à Toff. Écoute avec plaisir. Voilà, j'espère que je t'ai bien rendu heureux là. Si on peut leur donner un peu de bonheur. Bah voilà, Julien y est aussi qui dit Clara Morgan ou la femme très belle, même quand elle est pas maquillée, et très gentille quand on la voit en chair et en os. Non, pour le coup, effectivement, Clara Morgan est une femme très jolie. Ouais, oui, très belle, adorable. Elle est très gentille et très jolie, effectivement. Sacha aussi. Moi, ce que j'aime le plus, c'est piloter les avions et vous écouter. Ah oui, effectivement, Sacha qui nous avait envoyé son message depuis l'application Mickaël No Limit. Bon, bah donnez vos réponses, donnez vos messages. Qu'est-ce qui vous rend heureux? On aura Kendrick dans quelques minutes. On va se faire le jeu du je t'emmerde également ce soir, et puis on s'envoie le son de Calvin Harris tout de suite sur Fun Radio. C'est parti au cœur d'une heure sans pub, c'est le son de Summer. I met you in the summer. Calvin Harris sur Fun, c'était Summer. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et il est 23h16. Moi, ce qui me rend heureux, c'est la branlette et manger des gâteaux. Je suis assez d'accord sur cette théorie. Ouais, il y a le Doumou également qui dit ouais, je suis à vos ordres, Maître Polo et Maître Mickaël, avec le hashtag et Mickaël Fun Radio. Voilà. Voilà. Bon, si vous voulez gagner ce soir là, le top tweetos, qu'on élira l'auditeur le plus influent, le meilleur auditeur de la soirée, et ben ça se passe avec le Twitter de l'émission. Vous tapez hashtag et Mickaël Fun Radio, et puis si vous êtes parmi les si vous êtes numéro 1 en l'occurrence, hein, celui qui a envoyé le plus de messages avec le hashtag Mickaël Fun Radio, vous repartirez avec ce magnifique sextoy de presque 100 € du offert par passage du désir.fr. Voilà, Devers 45 avec le hashtag Mickaël Fun Radio qui dit salut ma grosse team de déjantés, comment va-t-elle, moi pépère avec mon poteau Benji. Et on vous embrasse tous les deux, salut Devers, salut Benji. Francis également, ce qui me rend heureux, un joli sourire d'une fille dès le matin, un message de bienvenue au passage, bien sûr. Je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras parler. Voilà, d'ailleurs les appels malveillants reviennent dans moins de 10 minutes. Corentin qui dit ce qui me rend heureux, c'est qu'on n'a pas cours le lendemain, ça c'est cool aussi. Céline qui dit ce qui me rend heureuse, moi c'est quand j'écoute Mickaël Fun Radio. Oh, c'est gentil Céline. Et Nicolas également, serait-il possible que vous passiez une dédicace à Elisa? Eh ben le message est passé. Et enfin Cyril, pour ma part, merci la SNCF, 3 trains et un TGV d'annulé. C'est sympa. Ouais, c'est un truc qui peut me rendre hystérique, c'est les grèves. À part faire chier l'utilisateur, qu'est-ce que ça rapporte, putain quoi. à part emmerder le monde, tu vois, parce que les gars qui veulent faire chier, en fait, eux, ils s'en foutent. Les taxis, par exemple, c'est pour les chauffeurs, les VTC, voilà. Les véhicules de tourisme avec chauffeur. Exactement, ouais. Mais eux, pendant que les autres, là, ils font la grève, là, les rigolos, là, ils font tous la grève. Pendant ce temps-là, les autres, ils continuent à rouler, eux, hein. Bah oui, et puis ils s'en mettent plein les fouilles, hein. Donc, je comprends pas votre système. Pourquoi pas faire autre chose? Diminuer les prix. Par exemple, je sais pas moi, être moins aigri quand on prend un client, par exemple. Ou quand le mec ils sont pas tous, hein, je dis pas, mais il y en a quand même qui sont vraiment des gros enculés. Il y en a qui nous écoutent, on les embrasse. Bien sûr, ceux qui écoutent Fun, évidemment, sont bons. C'est tous les autres qui sont des trous du cul. C'est ça, c'est ceux qui, quand tu vas aller en banlieue un samedi soir, te font... Ouais, je vous admets pas. Ouais, mais bon, c'est de l'argent. Ouais, non, ouais, mais attention, moi qui suis un spécialiste de ce genre de remarques, c'est terminé. Hein. Maintenant, comme ils galèrent, maintenant ils prennent tout le monde. Mecs, ils vont t'emmener jusqu'à Marseille si tu veux. Oh là, ah oui, ça a bien changé. Alors très bien. Je paye par carte. Ah non, la machine elle marche pas. Oui, c'est ça, arrête de te foutre de ma gueule, la machine elle marche pas. Tu veux faire du black, ouais, espèce de voleur. Et une histoire vraie, il y a un jour un taxi, il me dit ouais, ça va. Ouais, comment ça va, fin de radio? Bah ça va. Il me dit et tof alors? C'est vrai ce qu'il a fait hier et tout. Non mais on les embrasse, c'est pas tous des cons, mais il y a quand même des trous du cul. Comme partout d'ailleurs, en radio il y a des trous du cul, en télé il y a des trous du cul, en taxi il y a des trous du cul, chez Carrefour il y a des trous du cul, dans il y a partout. Il y a du trou du cul. Enfin Toff est un trou du cul, c'est pas pareil. Aurélien qui dit moi ce qui me rend heureux c'est de faire l'amour, t'as bien raison. Ah, oui. Et enfin Leïla qui dit je peux aussi avoir un message de bienvenue. Bah écoute avec plaisir. Tu devrais faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Voilà, ça c'est plutôt pour Toff évidemment, mais bon il a bien noté je pense en tout cas. Tous vos messages continuent avec le hashtag est Mickaël, Fun Radio, qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc voilà, on en parle ce soir, c'est bien, en mode happy, tout simplement. Sur le Facebook également, venez nous rejoindre en tapant est Mickaël officiel. Et puis on va prendre Kendrick qui est avec nous de Longwy. Salut Kendrick. Allô? Ou t'es un doux toi? Oh, bah oui. Oh là là là là, la douceur. Mais t'es un doux de quel âge? 12 ans. Oh là là là là là là là. Oh, c'est les meilleurs, c'est le plus tendre du doux. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme le steak, tu vois, t'as le côté tendre et le côté gras. Bon, et donc du coup, toi tu nous appelais pour devenir doux ou tu nous appelais pour nous dire ce qui te rendait heureux? Ouais, c'est pour ça, ouais. Ah d'accord, ok, donc quand on pose une question où il y a deux réponses, c'est pour ça ne marche pas bien. Ah bah oui. Il est doux, on dirait un coussin. Donc t'appelles pour quoi alors? Bah en fait, pour réagir ce qui nous rend heureux ou bon, pas. Bon alors, qu'est-ce qui te rend heureux Kendrick? Mais t'es tellement doux. Ouais. De pas aller en cours? Ah oui. Ah bah oui, ça c'est. Qu'est-ce que t'aimes pas comme cours? Tout. Ah, t'aimes aucun cours. Techno. D'accord. Mais comment on peut aimer techno? C'est le pire du monde. Non, c'est bien techno. T'écoutes pas un peu de rock? Techno ou dance? Non, moi c'est techno. De quoi Kendrick? C'est du rap moi qui écoute. J'ai pas compris Kendrick parce que tu parles pas dans le téléphone. À mon avis, le téléphone doit être trop grand par rapport à ta tête. Oui, non, mais c'est ça en plus. Ah, c'est ça, t'as prévu, tu téléphones en fait avec le téléphone fixe. Ou le note, ouais. Non, bon, d'accord. Bon, donc toi, tu vois, c'est de pas aller en cours. Ok, attends, il y a Elliot également qui est avec nous de Royal Maison. Salut Elliot. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Tu sens le gras? Ouais, là, il est tout gras. Ouais. Le côté un peu rêche, un peu dur. Exactement. Bon, alors, toi, tu nous appelles par rapport à ce qui te rend heureux là. Qu'est-ce qui te rend heureux toi, du coup? Moi, c'est la musique. La musique, alors quelle musique te rend heureux? Fun radio, électro, dance, tout. D'accord, il y a un morceau que tu kiffes en particulier? My Sex is Your de Adrien Thomas. Ah, monsieur est corporate. C'est bien. Monsieur est très corporate. Travail ou quoi? Cherche du travail à Fun. On l'embrasse, Adrien, évidemment. Bon, et est-ce que t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir là, parmi ceux que j'ai mis déjà, David Guetta, Jason Derulo, le nouveau, tu connais tous les deux ou pas? Ouais, très bien. Lequel tu préfères, David Guetta, celui-là, la Blasta? This is the Blast Off. Bah voilà, évidemment qu'il est bien là. Un des mes morceaux préférés avec Avicii qui passe pour le moment sur Fun là. David Guetta qu'on vous avait fait découvrir avant-hier en premier évidemment, vous l'avez passé toutes les heures, toute la journée. Blast Off qu'on vous passera également dans quelques minutes sur Fun Radio, faudra bien rester là également. Bon Kendrick et Elliot, merci à vous d'avoir appelé. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, hein, tous les deux. Bah écoute, bien sûr, alors vas-y d'abord à toi Elliot, à une seule personne, choisis la bonne. Bah une dédicace à Kaliningrado, c'est ma radio. D'accord, eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut Elliot. Salut Mickaël. A bientôt. Ouais Kendrick. Est-ce que je peux avoir un pack Fun? Mais oui, tu vas gérer ça, je te repasse Sandro au standard, elle va t'expliquer comment faire pour l'avoir. Ok. Salut Kendrick. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Bop là, ça c'est fait. Et puis on récupère enfin Virginie là, avant les appels malveillants là. Bon alors Virginie. Ouais. Ouais, arrête de crier là, il faut tout. Soit elle parle pas assez fort, soit elle est trop loin de son téléphone, soit elle hurle. Mais non, j'étais occupé enfin, zut alors. Bon, zut alors. Bon, oui. Virginie, bon, on en est où avec ton mec pour ceux qui n'étaient pas là les jours précédents? Previously on Virginie. Précédemment dans l'épisode de Virginie. Alors, bon, grosso modo, tu nous as appelé dimanche. Dimanche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le générique. Ah oui, merde, putain, attends, on a oublié le générique. C'est Tof qui va chanter là. Allez, allez. Beauvage. Attends, c'est un Beauvage. Et Virginie l'impitoyable. Est-ce que Virginie va se faire pécho? Ce soir, Johan va-t-il lui casser les pattes arrière? Amandine va-t-elle vouloir faire un plan à trois? Bon alors on en est où alors Virginie dans cette histoire? Bah nickel. Bah alors on en est quoi nickel? Ça veut dire quoi nickel? Explique et enlève le haut-parleur. Merde, j'ai pas mis de haut-parleur. Du pétrole. Ouais, du pétrole à Maubeuge. Maubeuge. Oh merde, c'est oh fini. Oh merde. Bon, alors du coup, Virginie, bon alors, cette histoire avec ton mec, là, on l'a appelé, on a laissé des messages sur le répondeur, il a jamais décroché, on lui a dit que tu le kiffais, tu lui as dit et alors quoi? Ben, c'est plus la peine de l'appeler parce qu'il est en face de moi, là. Ah bah passe-le nous, là, allez. Bah passe-le nous, Johan. Bah non. Il va y avoir de la baguette au four ce soir. Non mais qu'ils disent au moins salut de loin, qu'on soit sûr qu'il y a un mec. Salut de loin, demande, ils disent. Salut. Non. Voilà. Putain, il y a une vraie voix d'homme. Ah, il y a une vraie voix d'homme, ça change de toi, Virginie. Hein. Espèce d'enfoiré que vous pouvez être. Hey, bon, Virginie, quoi, il veut pas parler là, Johan, au moins de loin là. Bah il vous l'a dit. Non mais parler, discuter. Non. Bah pourquoi? Parce que du respect, il n'y a pas de bâtard. Hein. Oh, gros boiteur. Mais non, mais du respect, sale con. Là. Du respect avec Virginie. Là. C'est tough. On n'emmerde pas ma copine Virginie, là. C'est ma pote. C'est une meuf tellement sympa, tellement cool. Comment ça qu'elle faut cul? Mais c'est ma pote Virginie, alors vous touchez pas, vous avez compris. Moi je défends Maubeuge, Avelslel, tout ça. Comme ça, attention. Eh ben attends, mais moi je te défends là Virginie, regarde, tof, je t'en mets une. Voilà. Mais quoi? Change de place, vas-y. Virginie, il écoute la radio, Johan, là ou pas? Il est à côté de moi. Vu comment elle va à fond. Est-ce qu'il écoute la radio? Non. Parfait. Il est en train de me caresser la jambe. Quel cochon. Virginie, dis-moi, oui, aujourd'hui le ciel est vert, si tu crois que tu vas te faire pécho ce soir. Non, c'est mort. C'est mort, il l'a c'est déjà bon. Fourré là. Il ah, c'est plus. Déjà fait. Alors dis-moi, j'irai bien sur Mars si t'as déjà mis une cartouche cet après-midi. Non. Oh, il y a l'hésitation là. Il y a l'hésitation. Et c'est il un bon t'a coup, mis une pas. Cartouche, oh là là. C'est mais bon non, ça. Mais non, enfin, Virginie, elle s'est fait pécho. Ah oui, c'est bon ça. Non. Ah bah ça fait plaisir. Eh bah bravo. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ah donc tu t'es fait de pécho. Allez. Allez, en majeur, Maubeuge, Christophe, concentre-toi. Maubeuge, c'est fait défourailler le steak. Bon, enfoiré, parlez pas de concentre de ma gueule. Johan a mis 2 grammes dans Virginie. Virginie va déménager de Maubeuge. Tu vas déménager où du coup Virginie? Maubeuge. Alors? Pardon? Bah tu vas déménager où maintenant que tu t'installes? Tu vas te marier ou pas? Ne savons pas non. Bah je comprends pas alors tout ce cinéma pour rien? Pardon? Tout ce cinéma pour rien du coup? On a acheté des dragées. Bah oui c'est ça, tout est prévu là. Toffy va venir mixer au mariage, Polo ouais. Fera le prêtre, le curé. Mais bien sûr. Et voilà. Bah oui, je suis déçu là. J'ai acheté une Bible. Exactement. Bon, bah écoute Virginie, moi, pas te déranger plus longtemps alors. Hein. Et on est très déçus. Bah, que voulez-vous ? Non mais bonne bourre, hein, c'est bien, hein, je suis content, je suis content, je suis content pour toi. Du respect, la bonne bourre. Mais évidemment, du respect. Mais je crois qu'il veut bien une bonne pipe. S'il vous plaît. Bien sûr, voilà. Est-ce qu'on... Virginie et Amandine, alors, on en est où ? Je vous ai demandé de la laisser tranquille. Mais on la laisse tranquille, mais est-ce qu'elle... Demande des news, des amis, est-ce qu'elle va bien ? Très très bien, oui. Bon bah tant mieux alors. Bon, ça me fait un gros bâtard. Et vous faites un plan à 3 ce soir ou pas ? Bon, ça me fait un gros bâtard. Bon, Virginie, gros bisous, hein. Ouais, si tu veux, ouais. Bah oui, oui. Mm-hmm. Je t'en fais entre les cuisses. Tellement pas. Ah là là, dégueulasse. Dégueulasse. C'est clair, ouais. Ça se trouve c'est une beubon. Ah oui, va savoir. Bon, on a jamais fait avec le... Si. Vous, ah ouais, je vous garantis que vous voulez pas. Ah bon, d'accord. Bon, salut Virginie. Quel enculé avec sa tête de con là. Salut Virginie, gros bisous, ciao. Hein. Salut, ciao à toi. Ah, et Virginie, attends, je t'ai pas demandé. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, Virginie ? Pardon ? Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Calme-toi, Polo, mais calme-toi. C'est quoi ces souffrements là ? Non, rien, c'est Polo qui va décéder d'une minute à l'autre. Oh, Sarah, faut le laisser de côté, il est à perte. Oui, bah, je sais bien, mais qu'est-ce qui te rend heureuse, Virginie ? Bah. La vie, quoi, la vie en général. Oh là là là là là là. La police ? Oui, le bleu, elle adore le bleu. Hein, le bleu, t'aimes bien le bleu ? Et les sirènes, le bruit des sirènes, elle adore ça. Ça t'excite ou pas ? Non. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Essayé. Michael, faire ce saut de tapot d'une bagnole de... Ouais, ça, bah parfait, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Virginie. C'est pas mal, moi. Bah, très bien. Bon, ben Virginie, gros bisous, hein. Ouais. Salut, hein, Virginie. Oui, quoi ? Il y a moyen de gratter quelque chose, là. Oui, ton dos, Virginie, tu peux gratter ton dos. Non, non. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Les appels malveillants de Tof qui arrivent juste après Global DJs. We are the night sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h. Bienvenue, on est au cœur d'une heure sans pub. We are the night that are wasted and lost. Le son de Global DJs, c'est We are the night sur Fun Radio. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle ? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god ! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours avec tous vos messages avec le hashtag Mickaël Fun Radio ce soir. Attention, c'est un nouveau depuis ce soir. Thomas qui dit les femmes et la weed qui me rend heureux. Parce que je vous demandais, hein, qu'est-ce qui vous rend heureux justement. Continuez à donner vos avis avec le hashtag Mickaël Fun Radio. Sur le Facebook, je vous ai mis un post également. Et vous pouvez aussi donner vos avis par SMS. Pour ceux qui n'ont pas internet sous la main, on pense à vous aussi. Tapez Mickaël suivi de votre message au 64 900 depuis la France et au 63 22 pour la Belgique. Il y a Audrey qui dit ma fille, mon homme, mes animaux et la bouffe. Le shopping, la bouffe et l'été pour Dany. Le pâtissier de fun sur le Twitter qui dit ce qui me rend heureux, c'est de vous écouter chaque soir du dimanche au jeudi, mes chouchous. Oh, bah, c'est gentil, le pâtissier. Et Virgile également, moi, ce qui me rend heureux, c'est la musique. Je suis fan de métal, mais je vous aime quand même. Ah, bah, c'est gentil, Virgile. Mais on l'aime bien aussi, hein, rassure-toi. Et Wesley qui dit ça fait 3 mois que je vous écoute. Je pourrais avoir un message de bienvenue, bien long et bien crade. Merci d'avance. Je kiffe trop la musique de Dallas, le remix de Mickaël. Écoute, merci, Wesley. Alors, attends, je vais t'en mettre un de message de bienvenue. Et je vais t'enculer, toi et ta putain de mère. Et après, tu pourras venir. Après, tu pourras parler. Voilà. Et Aurélie qui dit le shopping. Et bien sûr, mon chéri. Voilà. Et alors, bien sûr, mes filles et mon chéri, pardon. Et Charles qui dit les insultes dans la vidéo avec Clara Morgan. Mais quelle est belle! Ah oui, la vidéo de Clara Morgan qu'on a reçue dimanche et qu'on vous a mise à dispo ce soir sur le Twitter, sur le Facebook et sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs à ma chaîne. Vous tapez Mickaël officiel. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai bien sûr à la vôtre. Comme ça, vous allez pouvoir en même temps voir toutes les vidéos, dont celle de Clara Morgan qui se fait insulter allègrement par un Marseillais. Donc allez voir, c'est de toute beauté justement. On va récupérer encore ce qui vous rend heureux, on va en parler. On va prendre également Raphaël maintenant avant de faire les appels malveillants. Raphaël qui est avec nous pour la colle, t'es là Raphaël ? Raphaël ? Oui, oui. Ah d'accord, ok, très bien, il est là. Raphaël, vas-y pour la colle, je t'écoute. Alors, je suis dans l'eau, je suis dans l'air, je suis à la tête de 25 petits soldats et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Polo ? Qui non. suis-je ? Non, qui suis-je ? On proposait un missile envoyé par SMS. Non. La police. Non plus. Alors, 64-900, en débutant votre message par Mickaël, pour les SMS, vous me proposez le débarquement. Non plus. La lettre S. et un colonel on proposait également. Non plus. Non plus. Bon bah tant pis. Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi du message, vous envoyez ça au 64 900 par SMS et puis si vous êtes tiré au sort, eh bien vous repartirez avec le haut-parleur Bluetooth qu'on vous offre toute la semaine. C'est l'avant-dernier à gagner donc méfiez-vous et puis bah maniez-vous surtout hein. Je répète la colle de Raphaël, je suis dans l'air, je suis dans l'eau à la tête de 25 petits soldats et sans moi Paris serait pris. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse. Eh bien, bonne chance. Envoyez Mickaël et votre réponse au 64 900 par SMS. À tout à l'heure, Raphaël. Ok. Et on donne la réponse avant minuit 30 et on te récupérera encore une ou deux fois pour répéter la colle pour les retardataires. Voilà. Bon, parlons de choses sérieuses maintenant. Parlons des appels malveillants. Ah. Et je ne sais pas si vous avez vu cette info de dingue. C'est la fille d'R. Kelly qui est devenue son fils. Ouais. Elle a subitement elle a fait l'opération et puis elle a changé d'avis hein, tout simplement. C'est elle est devenue un homme à 14 ans. 14 ans, t'imagines, c'est tôt quand même. Hein. Alors, je me suis toujours demandé comment on fait dans ce sens-là. Parce qu'un mec qui devient une femme, bon, c'est facile, on lui coupe la bite et on fait un petit trou à l'intérieur et puis voilà. Ça roule. On exagère, mais enfin, dans l'idée, c'est comme ça. Mais pour une meuf. On pourrait presque le faire nous-mêmes, quoi. Non, n'allons pas jusque-là, mais. Moi-même pour qui étais chirurgien boucher. Comment on lui construit un sexe? Alors, si quelqu'un a l'info, ça m'intéresse, hein. Appelez-moi si vous êtes chirurgien par exemple, chirurgien plastique, appelez-moi au 01 42 48 5000, au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis Batov, du coup tu vas passer quelques appels malveillants à tes amis pour voir s'ils ont déjà voulu changer de sexe. Bah évidemment, avec allez plaisir. C'est parti, grâce au numéro comme d'habitude que vous envoyez en masse d'ailleurs, continuez hein, à tof@funradio.fr. C'est parti, juste après on fera le grand jeu du mercredi, le je t'emmerde, ce sera avec Renaud et Jonathan. Allez, c'est parti. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà eu envie de changer de sexe, madame. Non, mais vous avez que ça à foutre chez vous, quoi, là. Mais pourquoi vous dites ça, madame? Non, parce que changer de sexe, ça va 5 minutes. Mais comment ça, changer votre gueule et faire un deuxième? Quoi? Comment ça, changer votre gueule, ça ira deuxième. Ah, changer de gueule, ouais. Oui. Ah, attends, on va la rappeler, hein. Elle avait l'air en pleine forme. Je pense qu'elle est à côté de ta petite bouteille, hein. Je pense. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais, espèce de connard. Tu rappelles encore une fois et je prends mon 22, je t'en fous un coup dans la gueule. Mais... Hé, avant de parler, espèce de fils de pute. Toi, t'es coutu avec un gros négro parce que soi-disant ta bonne femme a te critique parce que t'as une petite bite. Alors juste t'occuper du ménage des autres, occupe-toi de ta queue, connard. Oh, j'en reste bouche bée. Oh mon dieu. Oh la violence. Je pense que ça nous fera de nouveaux appels, de nouveaux messages de bienvenue dans quelques instants, ça. Oh mon dieu. Oh là. Attends, on va le rappeler, hein. Bah oui, on va le rappeler encore un coup, là. Oh le choc. Tiens, t'as un problème? Non monsieur, mais c'est un peu violent ce que vous me dites. Eh, tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race? Je veux pas vous faire chier, monsieur. Ferme ta gueule, je te dis, t'arrêtes de pourrir la vie, parce que tu te jure, je vais te plumer la gueule, fils de pute. D'accord? Oui, mais j'avais... Va t'occuper de ton gros cul, va. Mais j'avais juste une question. Ouais, ta gueule, va niquer ta mère, va, sale fils de chien. Mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt? Non. Non, il est parti, c'est... Il est parti. Ouais, c'est... Reste bouche bée, hein. De nouveaux messages de bienvenue en prévision dans les prochaines minutes. Donc ceux qui vont demander un message de bienvenue avec le hashtag Mickaël Fun Radio par SMS ou sur le Facebook, eh bien vous serez servi de douceur. De toute cette douceur justement, tiens. Waouh. Bon, on aurait dû lui demander ce qui le rendait heureux. Hein, on aurait dû en profiter et faire une pierre deux coups, tiens. A priori pas moi. Bah, a priori non, effectivement. Bon, Renaud qui est avec nous et Jonathan là, vous êtes là les gars? Ouais, on est là. Violent quand même les appels malveillants là. Hein. Ah ouais, là, il a pris cher toi. Oh là, il a pris bien cher. Waouh, putain, quelle violence. Oh, mon Dieu. C'est quand même scandaleux. Bon, Renaud et Jonathan. Ouais. On va jouer ensemble maintenant, on va se faire le je t'emmerde. Ah ouais. Eh ben ouais. Le principe du jeu est très simple. On va donc appeler des gens au hasard. Vous allez à chacun votre tour évidemment parler à ces personnes et tenter de placer un maximum de je t'emmerde ou de je t'emmerde. Donc vous pouvez le dire en normal, en beau français, enfin façon de parler, je t'emmerde ou je t'emmerde, la version raccourcie, d'accord? Hors de question d'utiliser les je vous emmerde, vous m'emmerdez, etc., etc. Donc c'est bien uniquement ces deux mots-là, c'est impératif. Ok? Il faut une phrase, une conversation cohérente. Enfin, si on peut appeler ça cohérent, si on met des je t'emmerde partout, mais en gros, il faut pas dire allô, oui je t'emmerde non-stop, tu vois, on les comptera pas, d'accord? Ah. Il faut que ce soit placé subtilement. Vous êtes prêts? Ouais. Qui veut commencer? Renaud ou Jonathan? Peu m'importe. Peu m'importe, n'est-il pas, non, Renaud? Mais alors, comment allez-vous, mon cher? Vous parlez très bien, Renaud d'Avignon. Bon, bah du coup, on va commencer par toi, Renaud, tiens. Allez, c'est parti. Bon, bah, allez. On y va, on appelle le premier. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous, tu dis allô, ok? Ouais. Allez, c'est parti. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Voilà, je vous appelle parce que j'ai eu un petit souci avec vous, c'est-à-dire que l'autre jour, j'ouvre ma boîte mail et qu'est-ce que je vois? Des mails avec marqué je t'emmerde. Et donc, il y avait marqué votre numéro, joie. Donc du coup, ben, moi j'ai dit, ben, si elle me dit je t'emmerde. Je vois pas pourquoi, moi je dirais pas je t'emmerde. Alors je voulais que tu saches que moi aussi, ben, je t'emmerde et puis que je t'emmerde, voilà. Donc si je reçois encore un mail comme ça, ben... ça risque de pas me plaire, voilà, parce que je t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est toujours là pourtant. Allô? Je crois qu'elle s'en branle, mais elle est là. Vas-y, on chute. Oui. Ah. Oui, ben je t'emmerde, je viens de te le dire, je t'emmerde. Je crois qu'il y a le mari qui va s'en charger. Ouais. Quoi, et qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il nous dit trois. J'ai reçu un mail avec marqué je t'emmerde. Moi, je vois pas pourquoi, moi, je te dirais pas je t'emmerde. Et elle est toujours là. Rien à dire. Elle n'a pas enchaîne. Beaucoup de conversation, mais... Enchaîne, connard. Ouais. Oui. Mais si, mais réponds-moi, je te dis que je t'emmerde. Voilà, c'est comme ça. Je t'emmerde. Tu m'envoies un mail avec marqué je t'emmerde, mais moi aussi, je te dis que je t'emmerde. Vous avez trompé des numéros? Ah non, j'ai trompé des numéros, non. Le mec qui réagit mille ans après. La personne que vous appelez? Tain, on sent que c'est lui qui tient les... Pardon? Qui est vous? La personne que vous appelez, vous connaissez son prénom? Ah non, je connais pas son prénom, j'ai juste son numéro. Il est de loin, là. Alors moi aussi, je vous dis que je t'emmerde. Ah, il est parti, bah, il était temps. Hein. Fou. Oh, alors, combien de temps, merde. Ah, il était pas mal, Renaud. N'oublie pas, t'as été limite, hein, sur le festival du je t'emmerde, là. Parce que normalement, il faut avoir une conversation, pas un monologue. Hein, mais bon, comme ouais. Le gars n'était pas super ouvert non plus en termes de discussion, je veux bien l'accorder. Combien de je t'emmerde? 27. Oh là là. Jonathan, la barre n'est pas haute, ouais. La barre est très haute. On va quand même y aller, hein, Jonathan. Hein. Vas-y, à ton tour maintenant. C'est parti. Il faut faire mieux que 27. Et rassure-toi, il y aura une deuxième manche après la pub. Des fois que tu n'y arrives pas. Ouais. On y va. Dès qu'il n'y a plus de musique, tu dis allô. Allô? Allô? Allô? Ah. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle parce que... D'ailleurs, je suis chez ma grand-mère et j'ai reçu des appels téléphoniques. Je t'emmerde. Donc, je vais demander ce que c'est. Parce qu'elle a raccroché et on l'a rappelé en disant je t'emmerde. Il est bon. Puis alors. Paf eh ben, merde. Il est pas très bon, non. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Bon, alors, Jonathan, ta voix est en train de changer, t'es au courant? Ouais. Ah, d'accord, ok. Ça va bien se passer. Eh oui, ça est en train de muer, là, c'est bien. Bon, tu combien de je t'emmerde du coup? Il faut vraiment le dire? Bah, vas-y, ouais. 6. Oh là là, ridicule. Allez, j'essaie de te l'épargner. Bon, allez, comme il mue là, je lui offre cela. Je t'emmerde. 1. Je t'emmerde. 2. Et je t'emmerde. 3. Voilà, allez hop, 3. Voilà, je t'en offre 3. Ça fait 9. Ça fait 9, c'est générosité. Bien. Mais oui. 9 contre combien pour Renaud? 26 7. 27, ah oui quand même. Bon, et ben reste avec nous Renaud. Restez avec nous Renaud et Jonathan. On va faire la suite juste après la pub, d'accord? Allez, ça marche. Allez hop, on retentera la chance dans quelques minutes. Renaud et Jonathan, vous restez là. On va prendre Mathilde également là qui est avec nous. Salut Mathilde. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Mais ça va très bien. Qu'est-ce qui te rend heureuse Mathilde? Moi, c'est la danse et la contrebasse. La quoi? La danse et la contrebasse? Oui. Ah ouais. De la contrebasse? Oui. Tu peux nous en faire un morceau là? T'es assez grande? Non, je peux pas. Ah, t'as pas l'instrument? Non. Ah merde. Bon, mais c'est bien d'avoir une passion comme ça, la danse et la contrebasse. Tu fais quoi comme danse? Je fais du classique et je fais du moderne. Ah ouais, wow. Tu gères un peu mais, la Mathilde là quand même. Mais même avec la bouche, tu peux pas faire la contrebasse? Non. Oh. Oh, c'est dommage. Non, ce qui est bien avec la contrebasse, c'est que c'est un instrument qui est pas encombrant, quoi. Non, bah non, pas du tout. C'est le truc que tu peux transporter partout. Ouais. Tu vas à un barbecue, tu vas faire un pique-nique, tu te dis, allez hop, je viens. Tu sais, il y en a qui viennent, les blaires, là, ils viennent avec leur guitare, leur truc. Toi, tu viens avec ta contrebasse. Ouais. Non, et puis en plus, dans le métro, c'est facile, quoi. Tu vois, ça rentre facile. Ah ouais. Bien sûr. Une roue en bas de la contrebasse pour pouvoir la pousser. Et quand t'as des problèmes d'oseille, tu vas dans le métro avec ta contrebasse, tu fais un peu de truc. Non, c'est bien. C'est bien. Qui c'est qui a. Pourquoi la contrebasse? C'est quelqu'un qui t'a proposé de le faire et t'as kiffé ou t'as voulu toute seule comme une grande? Non, mais c'est l'instrument préféré de ma mère et le mien aussi. Ah d'accord, ok, très bien. Je voulais dire non, c'était pour faire chier mes parents. Ouais. Je voulais un truc grand et super encombrant. Voilà. Bon, eh ben merci Mathilde. Alors je te fais des gros bisous. Avoir un pack film. Bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro. Je te la repasse tout de suite là. Salut Mathilde. Salut. Je te fais des bisous. Merci d'avoir appelé Fun et vous revenez quand vous voulez tous évidemment. Hashtag Mickaël Fun Radio sur Twitter. N'hésitez pas. Et attention, dans 24 heures, le premier match de ce Mondial 2014 aura démarré. Et bonne nouvelle puisque j'aurai des maillots demain à vous offrir. Un maillot de l'équipe nationale que vous voulez, plus le ballon de foot, plus des chaussures. Chaussures officielles de la Coupe du Monde. Attention, du Mondial 2014. On peut pas dire Coupe du Monde. Donc si vous voulez les gagner, il faudrait être là demain dès 23h, donc prévenez vos potes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Ouais, et restez là aussi puisque je vous cale dans un instant le nouveau son de David Guetta découvert sur Fun Radio. Et oui, ce sera Blast Off sur Fun. Allez, restez là, on revient aussi avec la nuit sans pub juste après ça. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, il est 23h52, il n'y a plus de pub pendant 2h et il y a Corentin qui dit ouais, des maillots du Mondial 2014, je le veux s'il te plaît Mickaël. Ce sera demain les maillots à gagner, enfin le maillot, alors demain j'aurai un maillot et puis j'en aurai pendant tout le Mondial aussi, des maillots, des ballons de foot, on aura des chaussures de foot également. Attention les officiels, hein, j'ai vu les photos là des chaussures de foot, c'est des Nike, ça vaut 250€ juste la paire de pompes. Ça vous donne une idée quand même, hein. C'est toutes les chaussures, le ballon et le maillot, c'est les maillots officiels évidemment et vous allez pouvoir choisir une des équipes qualifiées pour le Mondial 2014. Vous pouvez prendre l'équipe de France, le Portugal, vous pouvez prendre également le Brésil, je sais pas moi, les Diables Rouges, la Belgique, vous pouvez prendre je voulais pas prendre d'autres, l'Italie, les États-Unis, l'Algérie, l'Espagne, enfin bref, tous les pays qui sont qualifiés pour le Mondial 2014 et vous pourrez choisir le maillot que vous voulez. Ce sera demain à partir de 23h. Soyez bien là et prévenez vos potes. Salut, je m'appelle Maël et je n'ai pas eu de message de bienvenue alors que je vous écoute depuis le début. Un petit coup de pelle également à Polo pour le plaisir. Écoute, avec plaisir justement. Voilà. Et comme tu n'as pas eu de message de bienvenue, attention, est-ce que vous êtes prêts pour le festival? Ouf, ça va être prêt pour le festival. Ça va être violent. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait un appel malveillant avec Toff il y a quelques minutes. Et c'était un festival justement. Tiens, Renaud et Jonathan, vous êtes prêts pour le festival là? Allez, ouais. Allez. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Eh, hey, tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race? T'as compris ta race? Donc tu têtes ta queue. Connard. Ouais, ben t'es coutu avec un gros négro parce que soi-disant ta bonne femme a critique parce que t'as une petite bite. Connard. Oh, connard. Ah, il était bon lui. Ah, il était très très bon le connard. Bon, et j'ai encore un petit qui va arriver dans quelques minutes là et qui sera là. Ce sera la petite surprise qui arrivera d'ici quelques instants. David Guetta qui va suivre aussi avec Blast Off. Et puis on mettra également le nouveau son de Jason Derulo avec Wiggle. Vous avez envie d'écouter un son, Renaud et Jonathan là avant 2h? Vous pouvez dire non, hein. Pas spécialement. Et toi, Jonathan? Qui ça? Lay Me Down de Avicii. Ah bah avec plaisir. Alors justement, bah Lay Me Down avec Avicii, c'est un de mes sons préférés encore, celui-là, tiens. Lay Me Down, où est-ce que je l'ai foutu celui-là? Il est là. Hop là. Ouais. Oh Mickaël, on peut pas écouter Jules. Tu veux écouter quoi? Jules, c'est quoi Jules? Non, tu veux pas écouter Jules. C'est quoi? C'est très dur. Non mais c'est quoi? C'est un rappeur marseillais. Ah oui, on l'avait déjà mis. Le fameux Jules. Ouais mais on l'a que sur YouTube et le son est dégueulasse, Jonathan. Renaud. Ah. Non mais par contre c'est vachement bien. Ouais, de quoi? Jules c'est super bien. Non, non, non. Alors, franchement, il faut aimer, quoi. C'est non, particulier. Non. Voilà. Non, non, c'est vraiment bien. Voilà. Bah, en parlant de Marseille, je rappelle qu'on sera également dimanche, hein, le 22 juin. On sera en direct des studios de Fun Radio à Marseille sur le Vieux-Port. Si vous voulez venir nous rejoindre, on viendra avec des cadeaux, on viendra avec plein de trucs également pour vous. Et puis, bah, je compte sur vous pour venir blinder le studio au max. Et surtout, je compte sur vous pour venir nous soutenir pour le gainage. Ouais. Et si, Jules, si t'as autre chose à faire ce jour-là. N'hésite pas, hein, n'hésite bien pas. Entendu. J'adore bien entendu. Ta musique. Tout à fait. Bon, il y a Adrien qui dit merci de me redonner le sourire dans cette journée où j'ai appris que j'allais me faire virer la fin de l'année prochaine de mon collège. Ah oh, merde, Adrien, mais qu'est-ce que t'as fait pour te faire virer là? Parce que c'est bien de faire un petit message comme ça où t'es triste, mais qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là? C'est ça la question, Adrien. Appelle-nous qu'on en parle, tiens. Kevin aussi, tu peux m'envoyer un petit message de bienvenue, mon ami Karim du 130, ça me ferait plaisir. Écoute, oui, j'en ai justement plein là. Toi, toi, t'es cocu avec un gros négro parce que soi-disant ta bonne femme a te critique parce que t'es une petite bite. Voilà, le Doumou qui dit je fais mes devoirs de maths depuis que je suis rentré de l'école 16h. Ah oui, bah t'es pas très rapide, hein, le Doumou. Heureusement que Mickaël est là pour me soulager. Façon de parler, bien sûr. Et le Douçon, non également. Qui disent ce qui me rend heureux, ce sont les jours sans cours. Et vous, est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue, s'il te plaît? Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère. Et après, non, c'est pas bien, t'es hindou. Je nique ta mère. Non, non, c'est pas bien, t'es hindou aussi. Tu devrais faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Voilà, ça c'est bien, ça c'est un bon message pour hindou. C'est énorme. Et Café Olé qui dit Tof encore s'en prendre plein la gueule tout à l'heure là. Ah oui, je confirme, il va s'en prendre plein la gueule. Prochains appels, ce sera dans une petite demi-heure. Avant de faire le je t'emmerde la suite, Renaud et Jonathan, on va prendre Mehdi qui est avec. Non, d'abord c'est Jordan qui est avec nous, 17 ans de Lille. Salut Jordan. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, tant mieux. Bah, bienvenue à toi, Jordan. Alors, qu'est-ce qui te rend heureux, toi, dis-moi? Parce qu'on posait la question depuis tout à l'heure. Puisqu'on s'est rendu compte que le fait de tricher rendait les gens heureux plus que de faire l'amour. Et enfin, en numéro 3, chez les mecs, c'est boire une bière. Et chez les filles, eh ben, c'est faire du shopping. Alors, du coup, chez toi, c'est quoi? Moi, je sais pas, j'ai plusieurs kiffs. C'est quoi? Bah, mon premier, c'est de faire ça dans une armoire. De baiser dans une armoire? Ouais, une petite armoire, comme ça, je suis bien ferré et tout. Ouais. Non, mais t'es sérieux? D'accord. J'aime bien le je suis petite armoire comme ça, je suis bien inséré. Oui, bah écoute, pourquoi pas? Et quoi d'autre? Mon deuxième, c'est me branler. Parce que d'accord. C'est autre chose que de faire ça avec une fille. C'est différent, et ça c'est clair. Oui, voilà. Faire ça dans un lieu public. Ouais. Cracher sur ma meuf. Son visage. Cracher sur ta meuf. Mais c'est-à-dire cracher jouir ou... Ouais, jouir. Ah oui. D'accord, je croyais... Je me dis putain, il y a des parties un peu particulières. Ça, c'est un truc, par exemple, je m'en contrebats les couilles. Et faire des partouts au moins deux fois par semaine. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas mal. Mais t'es pas un peu dans la bulle, là, non? Non. Ah non. Bon, écoute, tu sais ce qui te rend heureux, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Hein. C'est un peu les mêmes passions que t'offres, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est grosso modo. Non, c'est bien. T'as eu un bon prof, on va dire ça comme ça. Bah merci Jordan alors. Hein. Mm. Et tu reviens quand tu veux, Jordan. Ok. Salut. Et c'est possible d'avoir le pack fan? Bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse tout de suite. Ok, et ce serait possible aussi de passer une dédicace, s'il vous plaît? Bah vas-y, il y a une personne là, choisis la bonne. Vas-y. Ok, bah je voudrais passer une dédicace à Oulo et un petit steak. Très bien, et les messages sont passés, pas de problème. Salut à toi, à bientôt Jordan. Bon, et continuez à nous dire ce qui vous rend heureux également hein, avec le hashtag Mickaël Fun Radio. Et vous pouvez aussi envoyer vos messages, on les lit bien entendu par SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message et envoyez ça au 64 900. Il y a Guillaume qui dit « Salut les gars, après cet appel de Tof avec ce psychopathe, je veux bien un message de bienvenue histoire de voir lequel vous avez enregistré. Continuez mec, vous déchirez. » Merci Guillaume. Bah on a... celui-là. Et je vais t'enculer toi et ta putain de merde. Ah non, merde. Et après tu pourras parler. Non, les nouveaux c'est celui-là. Eh, hey, tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race? T'as compris ta race? Et Abdou qui dit le connard est mythique, comme cet appel d'ailleurs. Je veux un message de bienvenue comme celui-là. Et vous allez tous vouloir un nouveau maintenant là, attends, je te le mets. Donc tu têtes ta queue. Connard. Bon allez, 23h59, il y a les teubés de la télé qui vont débarquer. Avant ça, on termine évidemment le je t'emmerde avec une grande avance pour Renaud qui a quand même fait 27 je t'emmerde, hein, Renaud d'Avignon. Hein. Pas mal. Et ouais, alors que Jonathan, lui, n'a malheureusement fait que 6 je t'emmerde dans son appel. Il n'a pas eu la même chance, mais bon, c'est pas grave. Alors, Renaud, on remet le couvert, on appelle. Ok, d'accord. Allez, bah c'est parti alors, hein. On y va, on remet le couvert maintenant. Bah tu peux encore, si tu fais moins que 26, c'est pas grave. Si tu fais moins que 27, on gardera 27. De toute façon, on gardera le meilleur des deux scores. Donc on y va, dès que t'entends plus de musique en dessous de toi, Renaud, tu dis allô et puis c'est parti. Attention également, ne pas utiliser le même scénario. Oui. C'est important. Allez. Allez, ça décroche. Vous êtes bien sur le répondeur. C'est le répondeur, c'est pas grave, on appelle un autre là. Sois prêt, Renaud. On y retourne. La pression, Renaud. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, voilà, je vous appelle par rapport à notre petit conflit de l'autre jour à Auchan, quand vous m'avez dit je t'emmerde, parce que j'étais au milieu du rayon. Et donc vous m'avez donné votre numéro pour corriger ça par téléphone, parce que moi aussi je voulais te dire que je t'emmerde. Et que, juste parce que je gare mal mon chariot, qu'on me dit je t'emmerde, je trouve que c'est quand même... Top, ça nous fait moins bon que tout à l'heure. Ah, oh là là, oui, oh, c'est même ridicule. Combien ? Ça nous fait 7. Ah bah 7, ah oui, bah c'est pas terrible là, Renaud. Donc t'as eu une bonne cliente tout à l'heure. Heureusement, ils comprenaient rien, ils sont restés au téléphone pendant 2 heures. Bon, Jonathan. Ouais. Eh bah il faut toujours battre 27. Alors tu déclares forfait ou tu essayes quand même ? T'inquiète pas, je vais y arriver. Bon, tu t'emballes. Attention, Renaud, il s'emballe un peu, on sait jamais. Vas-y, Jonathan, pareil que tout à l'heure. Dès que t'entends plus de musique, tu dis allô et il faut changer de scénario. Un moment, s'il vous plaît. Allô ? Attends, il t'a mis en attente. Ah, ça bug. Allô ? Non, attends, bah, c'est pas grave, je sais pas où on était là, à mon avis ça devait être un répondeur bizarre. On en appelle un autre, c'est pas grave, Jonathan. Je sais pas où on était là, mais un truc bizarre. Allez, vas-y, Jonathan, c'est parti. Alors ? Oh, c'est lent ce soir. Bonjour, vous êtes sur la ligne. Oh, mais non, c'est le répondeur. Putain, on n'a pas de chance, Jonathan, là. Je pense que c'est un signe. Hein. Il faut abandonner, je pense. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Ça va pas être facile, celui-là. J'ai reçu un petit SMS en me disant je t'emmerde. Et quand j'ai renvoyé c'est qui, on m'a redit je t'emmerde. Oui, puis ensuite, vous êtes sur un numéro fixe, là. Vous êtes sur un numéro fixe. Oui, je sais. Mais parce qu'en fait, après, on m'a envoyé votre numéro. Donc le numéro, qui vous a envoyé mon numéro, madame ? Ben, par SMS, m'a envoyé je t'emmerde. Mais qui vous a envoyé mon numéro ? Qui vous a envoyé mon numéro ? Je crois que j'ai reçu un SMS. Oui, mais un SMS de qui ? Comment ? Un SMS de qui vous avez reçu ? Ben, je sais pas. Ensuite, j'ai demandé c'est qui. On m'a dit je t'emmerde. Appelle-moi au 01. Le SMS que vous avez reçu. Le SMS que vous avez reçu. Je t'emmerde. D'accord, ok. Le SMS que vous avez reçu, qui c'est qui vous l'a envoyé ? Bah là, c'est pas vous dire que moi je suis sur mon téléphone, mais du coup je vais vous prévenir parce que j'espère que vous n'avez pas été pirater votre ligne. Que c'est comme chiant de recevoir des je t'emmerde. Mais vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Moi je m'appelle Raphaël. Raphaël comment ? Raphaël Philippe. Raphaël comment ? Philippe. Oui, bah écoutez, on se connaît pas. Et à chaque fois, on me dit je t'emmerde, donc je vais vous prévenir qu'on sait jamais, votre ligne a pu être piraté. Non, si c'est pas piraté, c'est des applications, des fois, des logiciels, des applications. Oui, bah, comme il a du bol. Je t'emmerde. Oui, bon, c'est pas moi, donc il faut arrêter de le dire maintenant d'abord. Non, mais dire, c'est quand même, vous imaginez, je sais pas, si on se rend de votre famille, on lui envoie je t'emmerde, ça va être chiant. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas moi, monsieur, moi je suis en train de dormir. Oui, je sais, mais je vous préviens qu'il y a des messages qui s'envoient je t'emmerde à des gens. Oui, et qu'ensuite, on donne quand même votre numéro. Donc, moi, d'ailleurs, j'étais à deux doigts d'aller... Je veux dire, j'ai déjà reçu ça une fois. Oui. On a été porté une main courante. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas d'aboutissement. Et là, je reçois je t'emmerde, encore une fois. Oui. Et là, on me donne clairement votre numéro. Donc, vous pouvez comprendre que c'est pas très... Cool bah pour oui, moi. Je comprends, mais moi, je veux dire, j'ai jamais de problème avec personne. Moi, je t'emmerde. Donc, je veux dire, il y a quand même un problème. Oui, je veux dire, t'as quelqu'un qui connaît votre numéro et... Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 15 ans. Ouais, alors c'est des jeux d'enfants, ça, moi. Non, je vous jure. Non, non, ouais, je t'emmerde. Bah, c'est des jeux d'enfants, c'est des gens qui donnent alors, des numéros. Excusez-moi, mais pourquoi ils vous donnent votre numéro, c'est ça que je comprends pas. Mais écoutez, je sais pas, moi je connais pas ces gens-là. Si vous regardez bien, je vous conseille de changer de ligne et tout. Parce que je change pas de ligne, parce que c'est mon numéro de téléphone. Et si vous êtes exploité, on continue à vous envoyer des je t'emmerde aux gens. Les gens, ils vont en avoir marre. Et on portait faim, et vous aurez des problèmes. Vous portez ça. Non, j'ai aucun problème, parce que moi, j'ai pas passé de coup de fil, donc. Mais écoutez, monsieur, je reçois des SMS, qu'on demande. Ah, des SMS? On me dit, c'est votre numéro. T'as envie de lui mettre une claque ou deux? Eh ben, et alors? On vous a donné mon nom? Bah non, mais on m'a donné votre numéro de. Eh ben, écoutez, ils ont pris un numéro. Ouais, mais t'emmerde. Eh ben, ils ont pioché un numéro au choix. Bah, si vous voulez, je vous rappelle tout à l'heure et je vous envoie le numéro. Non, vous me rappelez pas, parce que je vous envoie par SMS le numéro que m'a envoyé. Non. Vous m'appelez pas, parce que d'abord je suis chez moi, moi je suis pas là pour m'amuser, c'est moi, qui demain matin... Moi demain j'ai quand même le brevet et tout, donc je peux pas m'amuser. Non, je vous dis que c'est pas moi, alors sinon... Oui, je vous comprends monsieur, mais non, alors, je suis en train de dormir, jeune homme, je suis en train de dormir. Oui, je vous comprends monsieur, d'accord, vous travaillez demain. D'accord, je travaille demain, d'accord, donc soyez gentil, je vous dis que c'est pas moi. Si vous me rappelez, moi c'est moi qui dépose plainte contre les gens qui me rappellent. Mais dire que ça me chambre, pas, je t'emmerde, d'accord, vous envoie votre numéro. Mais arrêtez de répéter, je t'emmerde, arrêtez de répéter ça. C'est n'importe quoi. Mais c'est comment voir, je t'emmerde. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, il tient bon, hein. Comment? Ouais, il est bon là. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On vous envoie votre numéro, vous comprenez ou quoi? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ah, l'autre il s'énerve. Eh, mais vous êtes mort ou quoi? Non, mais vous voulez que je fasse quoi? Et alors, vous voulez que je fasse quoi? Ben. On envoie des SMS de votre nom. Je t'emmerde. Non mais quand on vous envoie un SMS, il y a un numéro qui apparaît sur le SMS. Oui, mais sauf que là, c'est pas un numéro comme ici, là, c'est un 0800, je sais pas combien. Eh ben, les 0800, c'est des numéros de merde. Oui, mais pourquoi ils donnent votre numéro? Vous n'avez qu'à porter plainte. Rappelez-moi au 01, je sais pas combien. Vous portez plainte contre les 0800. Oui, bah demain, je vais y aller. Oui, je porte plainte contre le 0800. Et vous allez voir. Et après, ça retombe sur vous. Non, moi, je m'en fous, j'ai rien fait, je suis chez moi, ils peuvent venir. Moi, mais reste, vous avez déposé une plainte comme quoi qu'il y a des gens qu'on va des t'emmerdes. Bon, Renaud, je pense qu'il peut raccrocher. Hein. On sera deux, comme ça les gens auront la ligne de couper et tout. Vous comprenez? Non, il est parti, je crois qu'il en a eu marre en fait là. Tu l'as saoulé, mec. Ah putain, tu nous as saoulé aussi là, Jonathan, là, avec ton histoire là qui n'avait ni queue ni tête comme Toff. Oh là là. Bon, alors, Renaud. Ouais. Eh oui, la première manche fut gagnée largement. La seconde, en revanche, combien je t'emmerde, Toff? Tu veux lui reprendre les 3 que tu lui as donné ou pas? Bah non, ce qui est donné est donné. Ah bon, 53. 53. Oui. T'inquiète, ça pas mal. T'as vu? Eh ouais, t'as vu, pas mal. Non, franchement, c'est bien. Je pensais que... On s'en est qui? Mais ouais, on est dans le coltard. On s'est mis bien, Jonathan. Le premier appel, t'as un peu merdé. Le deuxième, il est pas mal. Bon, ben, Jonathan, c'est gagné. Alors, deux choses. Toi, on peut t'offrir les haut-parleurs Bluetooth. Soit chez le pack Wonderbox I Love Papa que tu vas pouvoir offrir à ton père si t'as pas de cadeau pour la fête des pères qui arrive ce dimanche. Attends, j'ai vite fait. Je prends quoi, les écouteurs? C'est pas les écouteurs, c'est les haut-parleurs Bluetooth. Ouais, ben je prends les écouteurs Bluetooth. Non, c'est des haut-parleurs. Ouais, Bluetooth. Bah oui, c'est Bluetooth, ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, t'en as rien à foutre de ton père. Comment? T'en as rien à foutre. Mais on lui a déjà acheté un cadeau. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, ok, sur foot. Il va pas en prendre deux, quoi. Bah évidemment. Bon, ça roule, Jonathan, on va te filer ça, y'a pas de problème. Ouais, vas-y, Jonathan, une seule personne, choisis la bonne. Ben, je vais passer une dédicace à mon pote Salim qui a écouté un petit message de bienvenue pour lui. Avec plaisir. En plus, j'ai le nouveau, la surprise, attendez. Va t'occuper de ton gros cul, va. Ta gueule, va niquer ta mère, va, sale fils de chien. Bien. Voilà, il est bien, il est gratuit celui-là. Oh, bon ben voilà. Ouais. Salut Jonathan. Salut. Allez, ciao à toi. Salut Renaud. Bah désolé encore, mais tu retentes ta chance quand tu veux. Ouais. Allez, c'est pas grave. Salut Renaud, ciao. Ciao. Allez, à bientôt. On va prendre Mehdi dans quelques minutes. On aura Andy qui voulait nous dire qu'est-ce qui le rend heureux. Continuez d'ailleurs à balancer vos messages là. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Envoyez votre message. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 par SMS ou alors sur le Facebook et le Twitter. Donnez-nous vos avis. Sur le Twitter, c'est avec le hashtag Mickaël. Restez là. Il y a les teubés de la télé qui vont arriver dans quelques minutes. On est au cœur de 2 heures sans pub. La colle également qui va revenir là avec Raphaël pour gagner le haut-parleur Bluetooth un deuxième. Et on écoute le son de David Guetta que vous avez découvert sur Fun Radio il y a 2 jours. David Guetta, c'est Blast Off sur Fun. Voilà. voilà, David Guetta à l'instant sur Fun Radio. C'était Blast Off pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Et ben, c'est le nouveau que vous avez découvert sur Fun Radio. Il y a Marjolaine qui dit: j'ai pas eu mon message de bienvenue. Wow. Mon bébé 3 ans adore vous écouter. Ah non, mais Marjolaine, non, non, tout on va te mettre un message de bienvenue avec ça. Non, non, non, c'est pas. Ah non, possible. Pas de message de bienvenue pour le bébé. Écoute, ça se fait pas, Marjolaine. Le pauvre, là, il va commencer à. Il va mal démarrer dans la vie si je lui mets un message de bienvenue. Thomas qui dit: Mickaël, ce qui rend heureux, c'est de vous écouter tous les soirs. Un petit message de bienvenue. Oui, toi, tu peux, bien sûr. Mais va te faire enculer. Moi, je te dis, je vais te faire un anus lingus avec une grosse barre de fer dans ton boule, fils de pute, va. Voilà, très gentil. Toum également sur le Facebook, il dit: qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des maillots? Alors, les maillots, ce sera à gagner demain à partir de 23h. Faudra rester là. J'en dis pas plus, mais faudra rester là. Ce sera à base de questions footballistiques. Mais questions faciles, hein, pas non plus taper dans les. Veux dire, voilà, on sait bien que tout le monde n'est pas non plus un spécialiste du foot. Mais malgré tout, ça ferait quand même plaisir d'avoir le maillot pour supporter son équipe, quoi. Bah oui, on va demander des trucs simples. Non, non, mais voilà, non, pas trop simple non plus. Il faut quand même le mériter, mais pas trop compliqué, rassurez-vous. Devers 45 qui dit: les appels de Toff sont toujours aussi flag. Mort de rire, sérieux, c'est complètement ouf. Et Sandra B qui dit: moi, ce qui me rend heureuse, c'est mon fils, c'est ma plus belle réussite. Oh. Ah, oui, c'est que tu l'as pas fait avec Toff alors. Ouais, ouais. Mais on ne sait pas, parce que tu sais, il paraît que ça saute des générations, donc peut-être je vais faire un geste magnifique. Bah, va savoir. Et Aliénor qui dit: toujours pas eu mon message de bienvenue, je peux l'avoir au passage. Je vous écoute tous les soirs depuis 2 mois et je vous adore. Merci Aliénor, bah, je t'en mets un petit là. Je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras parler. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Bon, allez, on va se faire comme promis maintenant. Eh bien, ah oui, nos amis les teubés de la télé là, j'ai quasiment. Ah bah oui. Ah oui, teubés de la télé, et puis on fera la colle aussi avec notre ami Raphaël. Vous trouvez que Toff est un crado, hein? Autant soyez honnête. Non, moi je trouve pas. Ouais, toi ça m'étonne pas justement. Eh bien, dans le mag de la santé, c'est pas mal non plus. Hein. Déjà, on peut s'interroger sur la question lorsqu'il tape au fond du vagin. Bon, voilà, on va dire qu'il tape un peu moins fort et ça ira peut-être mieux. Ouais. Donc, c'est exceptionnel qu'il y ait des douleurs pendant les rapports de cet ordre-là. C'est exceptionnel qu'on tape au fond du vagin. Et normalement, c'est même pas exceptionnel. C'est que normalement, on ne doit pas taper dans le fond du vagin. Donc Et bon appétit, puisque je rappelle que cette émission est diffusée à 14h, quoi. Voilà, à heure où on termine de bouffer, quoi, où on est au petit dessert éventuellement. C'est ça. Éventuellement. Bon, et puis dans Harry, on a trouvé une championne. Je voulais juste qu'on parle de votre chien. Oui. Comment s'appelle-t-il ? Ribou. Ribou. Mmh. Et donc Ribou, vous avez quelque chose contre ses mamelles ? Pas contre ses mamelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon. Ça reste la plus grosse honte de ma vie. J'ai confondu ses mamelles avec des tiques. Donc j'ai essayé de lui enlever ses mamelles. Et on l'a amené chez le vétérinaire en pensant que. Bah, les mamelles ne voulaient pas partir. Enfin, que les tiques ne voulaient pas partir. Non, mais juste que je comprenne. Qu'est-ce que vous avez fait pour lui enlever les On ne lui a pas enlevé, du coup. On a pas... Ouais, bah oui, j'imagine, oui. Ah oui, on a pris la pince à épiler. Le pauvre. Mais bon, le pire, c'est quand on l'a amené chez le vétérinaire et que là, il nous a dit ce sont ses mamelles. Oui, vous êtes complètement con. En fait, hein, tout simplement. On va faire pareil chez toi, madame. Tu vas voir. Hein. On va croire que c'est des tics et on va t'enlever tes mamelles. Bon, et puis dans Deux Nannies d'Enfer, on a une maman adorable. Oh, presque touchante. Et arrête de faire tes airs, de faire ta grande parce que tu commences à bien faire là. Bah, attends, mais arrête de faire ta grande, je te dis. Tu finis de balayer. Putain, je m'énerve aussi. Ça. Arrête avec tes mots. J'aimerais comprendre quelque chose là. Qu'est-ce qui fait que vous lui criez à nouveau dessus? Elle traîne alors que. Moi, en 5 minutes, j'ai déjà fini cette pièce-là. D'accord. Je suis désolée, la pièce, elle est petite. D'accord. Là, c'est un peu abusé. Est-ce qu'il y a des moments où vous trouvez qu'elle fait des choses bien? Non. Non. Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux, en fait. Oui, hein, c'est ça. Ah, grande classe, hein, c'est sympa. Hein. Ça, ouais, tu sens la mère qui aime son gosse. Ah, la mère est fière de son fils. Hein. Ouais. Bon, et pour finir, on cherche une rime. Allez, attention. Je te ferai à dîner mon petit Philippe. Tu seras heureux, je suis une experte en. Eh, hey, on pipe, voilà. Voilà. Eh oui, bah voilà, comme ça encore c'est fait. Encore une belle cochonne. Exactement, Antoine qui dit. Moi, c'est la branlette qui me rend heureux. Il y a Quentin qui dit ce qui me rend heureux, c'est d'écouter Jean-François à la radio. Et Émilie qui dit ce qui me rend heureux, c'est d'être sur scène et chanter. Des bisous à tous et un coup de pelle à Toff. Avec plaisir. Voilà pour le coup de pelle. Bon, allez, on va faire un petit coup de colle maintenant avec Raphaël là, avant de donner la réponse dans un quart d'heure. T'es là, Raphaël? Ouais. Bon, allez, c'est parti. On y va. Répète la colle une dernière fois. On donne la réponse dans un quart d'heure. Fais péter. Alors, je suis dans l'eau, je suis dans l'air, je suis à la tête de 25 petits soldats, et sans moi, Paris serait pris, qui suis-je ? Voilà, je suis dans l'air, je suis dans l'eau, je suis à la tête de 25 petits soldats, et sans moi, Paris serait pris, Qui suis-je? Vous avez la réponse, tant mieux. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS. Et si vous êtes tiré au sort dans un quart d'heure, je vous offre votre haut-parleur Bluetooth, histoire de vous la ramener un peu à la plage, au camping, à la piscine, chez vos potes, ou même dans votre piole en fait, tout simplement. Le haut-parleur Bluetooth, c'est un haut-parleur qui déjà donne un son qui déchire, hein, celui qu'on vous offre en l'occurrence. Et vous pouvez envoyer toute la musique sans fil, voilà, juste avec le Bluetooth de votre téléphone, de votre smartphone, de votre tablette, de votre ordinateur. Bref, ça fonctionne. Si vous avez la bonne réponse à la colle, eh bien vous n'hésitez pas et on proposait une écluse, Raph. Non. Ah, on proposait également le soleil. Non. Non, une non bataille. Plus. Non plus. Non plus. Bon, ben, il vous reste 13 minutes pour être précis, pour envoyer la réponse. M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900. Je répète une dernière fois, je suis dans l'air, je suis dans l'eau, à la tête de 25 soldats. Et sans moi, Paris serait pris. Je vous donne 13 minutes pour donner la réponse. M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900. Tirage au sort dans 12 minutes maintenant. À tout à l'heure, Raphaël. Enfin, tout de suite même. Allez, à tout de suite. On va donner la réponse dans quelques minutes sur Femme Radio. Vous restez là. Dans moins d'un quart d'heure également, il y aura une deuxième giclée d'appels malveillants. Ah, ah bah oui, évidemment. Et puis je vous rappelle également que si vous voulez balancer tous vos messages et peut-être aussi finir numéro 1 au top tweetos à 2h du mat, n'oubliez pas de balancer tous vos messages si vous êtes sur Twitter, évidemment, impérativement avec le hashtag M-I-K-L Fun Radio. Tout collé en un mot, hashtag M-I-K-L Fun Radio. Et puis vous mettez votre message et comme ça, ça comptera justement dans le top tweetos. Et en l'occurrence, si vous voulez pas jouer au top tweetos, vous envoyez votre message et comme ça, on les reçoit. Si vous ne mettez pas le hashtag M-I-K-L Fun Radio, on peut pas les lire. Donc ce serait dommage. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Il y a Hugo qui est avec nous d'Aix-les-Bains là. Salut Hugo. Salut Mickaël. Comment ça va? Oh, salut. Bah ça va bien. Bah tant mieux hein, dis donc. Bon alors qu'est-ce qui te rend heureux toi Hugo? Bah c'est de voir mes chats et d'écouter Fun Radio. Oh, de voir ces chats, c'est mignon. C'est quoi comme chat? Bah j'ai un chat noir. Ouais, c'est un chat de gouttière ou c'est une race, c'est quoi? Ouais, c'est un chat de gouttière. D'accord. Tout noir et... Ouais, tout noir et j'en ai un deuxième, c'est une ma sœur, c'est un chat tiré. Un chat tiré? Ouais, c'est pareil. Tiré voilà. Comme ça? Ah, ou tigré? Bah, tiré. Ah, tiré? Mais c'est quoi un chat tiré? Bah, si tu veux, si t'en as un, je peux. Ah, tigré, d'accord, ok. Et tiré comme ouais, ça. Mais attends, mais un chat noir, ça porte la poisse, non? Non. T'es sûr? C'est ce que dit la légende. La légende dit que ça porte la poisse. Alors, si en plus tu vois un chat noir qui passe sous une échelle et que tu le suis, ah, t'es mort. Hein. Bah, c'est mort, c'est fini. Ouais, c'est à ce moment-là que l'échafaudage tombe. En général, oui, effectivement. Ou que Toff apparaît. Voilà, donc toi, tu t'es avec tes chats le soir. Ils écoutent l'émission, les chats, ils aiment bien ou pas? Bah, ouais, je pense. Est-ce qu'ils veulent écouter un son particulier, les chats? Bah... Ouais, je pense. Comment ils s'appellent? Bah, le mien s'appelle Lolo et celui de ma sœur, bah, c'est Tigrou. Tigrou, bah, Tigrou, c'est original pour un tigré, c'est bien. Tu féliciteras ta sœur, hein, bravo, elle. Tu diras qu'elle a beaucoup d'imagination. Voilà, je peux leur passer ça. Une musique de chat. Un dessin animé de chat pour être précis. Ah ouais, très sympa quand même à l'époque. Hein. Ah, ils avaient l'art de faire de la musique. Hein. Ouais. Isidore, là aussi c'était un très très beau nom là, pour un chat, effectivement. Ouais. Bon, eh ben, écoute, c'est plutôt pas mal. Donc t'écoutes l'émission en même temps avec les chats, tout ça, tranquille. Il est vieux ou il est jeune le chat? Oh, il est jeune, il a un an là. Ah oui, c'est limite encore un chaton quoi, presque. Bon, un chat quoi, c'est un jeune chat, très bien. Eh ben merci d'avoir appelé, en tout cas tu reviens quand tu veux Hugo. Salut Hugo, à Aix-les-Bains, bientôt. Ouais. Tu voulais dire un truc Hugo, bah, profite-en, t'es là. Bah oui, mais en fait comment on fait pour gagner des t-shirts Quel t-shirt? De football. Ah c'est les maillots, bah, ça sera demain à partir de 23h Hugo. Tu voudrais lequel toi, tu voudrais quel pays? Bah la France. Eh la France, la France. Eh oui, car ça commence tout à l'heure, puisqu'il est minuit 20, donc c'est même plus demain, J-0. C'est le jour J pour la Coupe du Monde 2014. Si, si, quand je veux bienvenue en Brésil. Voilà, c'est Brésil-Croatie qu'on suivra tout à l'heure à partir de 22h en direct avec vous. Hein. Donc Brésil-Croatie, et on aura des maillots de foot avec le ballon, avec également les baskets, enfin les chaussures de foot qu'on vous offrira tout ce qu'on vous offre évidemment. Et validé, c'est les officiels de ce mondial 2014. Attention, ça vaut 450€ et on vous offrira ça tout à l'heure, enfin tout à l'heure, demain dans l'absolu, hein, à partir de 23h. Donc Hugo, sois à l'écoute de l'émission. Hein. Bon, je compte sur toi. Hein. Salut Hugo. Salut. Allez, ciao à toi Hugo. Bon, il y a Mehdi avec nous qui est là, 19 ans là, d'Algérie. Salut Mehdi. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, est-ce que tu penses que l'Algérie va battre la Belgique là dans quelques jours? Ouais, c'est faisable. Oui, ouais, pas faisable, tout est faisable, mais Allons voir si oui ou non le premier match des Diables Rouges, donc de la Belgique, va être positif ou pas, puisque c'est le premier match Belgique-Algérie qu'on suivra aussi, évidemment, ça tombe sous le sens. Et qu'est-ce qui t'amène? Va se faire déchirer quand même. Ben on va voir, les Fenecs sont peut-être au taquet. Les Diables Rouges face aux Fenecs, on va voir, on va voir. Bon, alors, Mehdi. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Ben moi, je vous appelle pour demander un petit conseil. Bon, qu'est-ce qui va pas? Parce que de tout à l'heure, quand j'ai fini mon examen, ouais. Je suis sorti tranquille. Et attends, là, quand t'as fini ton examen, il s'est passé quoi? Parce qu'on n'entend rien. Je sais pas si... je me demande quand même s'il y a autant d'auditeurs qui ont un téléphone de merde ou si c'est notre standard qui est le plus pourri de l'FM. Bah, moi j'ai bien une explication, mais. Moi aussi, je après, pense on que, va c'est dire que je suis un mec désagréable. Bah, non, je pense que c'est notre standard qui est vraiment en bois. Bon, si Père Noël pour le mois de décembre pourrait éventuellement nous apporter un autre. Ce serait sympa. Un tout nouveau, tout beau. Hein? Ah oui. Ce serait bien au final. Donc tu disais qu'après ton examen, quoi, qui s'est passé quoi? Je suis sorti tranquille. Ouais. Et puis là, je surprends mon directeur qui voulait rouler une pelle à ma prof. Oh. Ah, sympa. Ouais. Bon, écoute, c'est la fin de l'année, il a attendu toute l'année là pour lui rouler une pelle. Bon, il a raison, non? Mais le problème, c'est qu'il m'a vu, je les ai vus. Ouais, bah justement, ça tombe bien. Donc, tu dis, écoutez, monsieur, je viens de passer l'examen, là, si vous pouvez me filer un coup de main. Je crois pas que c'est possible. Non, mais t'as qu'à en jouer, Nota, pourquoi pas. Bah mais oui, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? T'as peur qu'il te vire parce que tu les as vus? Bon, non, c'est rien. C'est plutôt eux qui sont en panique, là, à mon avis, là, non? Peut-être parce qu'il m'a donné rendez-vous demain à 8h. Ah ouais, carrément. Carrément. Ah bah... je suis curieux. Demain, on te rappelle, je te dis direct. Hein. Demain, on te rappelle pour avoir, pour savoir ce qui s'est passé, parce que je suis curieux de savoir ce qu'il va te dire. À mon avis, je crois qu'il va te convoquer juste pour voir... essayer de te poser des questions indirectes pour voir si effectivement t'as vu quelque chose ou si t'as rien vu. Et si jamais t'as vu quelque chose, il va essayer de s'arranger pour que te faire comprendre que ben il vaudrait mieux que tu fermes ta gueule, quoi. Ah ouais, ça serait mieux ça. Ah bah ouais, je pense. Bon, reste avec nous, on va en parler, Mehdi. Dites-nous, tiens, si vous avez déjà grillé votre prof avec quelqu'un d'autre au bahut, que ce soit avec un autre élève ou que ce soit avec le directeur, justement, comme avec Mehdi, là. Appelez-nous, 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis vous pouvez aussi envoyer vos messages, vous tapez M-I-K-L et puis vous envoyez votre message, vous envoyez ça au 64 900. Il y a Marjolaine qui dit « Mon bébé dort, j'espère avoir mon message de bienvenue ». Bon, si dort... alors, ok, je veux bien faire le message de bienvenue si vraiment t'es... je suis sûr. Donc tu t'as ta queue, connard. Voilà, Marjolaine, je te fais des bisous. Et Johan aussi, je vous écoute tous les soirs, j'aimerais un message de bienvenue, vous êtes énorme. Bisous l'équipe. Bon, allez, je t'en mets un aussi, toi, vas-y. Va te faire enculer, monsieur. Va te faire enculer. Eh ben voilà, il était en pleine forme, celui-là, tiens. Minuit 25 sur Fun Radio, les appels malveillants vont arriver dans quelques minutes. Il y aura Andy qui va nous raconter pourquoi, qu'est-ce qui le rend heureux. Justement. Et puis bah vous toutes et vous tous, vous êtes les bienvenus, on est là jusqu'à 2h du mat, on est au cœur de 2h sans pub et on écoute Avicii, on l'avait demandé tout à l'heure, c'est Lay Me Down. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, minuit 29, dans quelques minutes, je donne la réponse à la colle de Raphaël. Il vous reste encore quelques secondes pour participer. Donc, je suis dans l'air, je suis dans l'eau, à la tête de 25 petits soldats et sans moi, Paris serait pris. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Angel qui dit « J'ai vu mon prof de physique avec une pionne sur la table, je précise, j'étais choqué. » Ah bah, il y en a qui auraient pris des photos, hein. Ah bah attends, moi j'aurais fait une vidéo. Et qui se serait rassé l'œil. YouTube et tout, YouPorn et tout le bordel. Charles qui dit le prof d'espagnol a collé deux potes car ils se sont embrassés. Quel collège de merde. Oh, ça va, embrasser, c'est bon, pas non plus déconner. Et Nicolas qui dit c'est vous qui me rendez heureux. Oh, c'est gentil, Nicole, très gentil même. Qu'est-ce qui vous rend heureux? On est, c'est la question de ce soir là. Vous continuez à balancer votre message avec le hashtag MIKL Fun Radio ou par SMS en envoyant MIKL suivi du message au 64 900. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Vous écoutez pour Nadia, mais c'est gentil, Nadia le prince. Il y a quoi également? Nitral qui dit 1. Écoutez Mickaël, 2. Caresser mon chat, 3. Piquer une tête à la mer ou dans la piscine, 4. Voir Toff se faire insulter, 5. Dormir. C'est un beau programme, Nitral, je trouve ça pas mal. Il y a quoi également? Il y a juste Lolo qui dit ce qui me rend heureuse, c'est d'être avec mon chéri. Au passage, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Et je vais t'enculer toi et ta putain de mère, et après tu pourras venir, après tu pourras parler. Voilà, juste Lolo et le bœuf ferré qui dit moi ce qui me rend heureux, c'est quand Toff prend une minute, et ce qui me rend malheureux, c'est que Polo ne prend jamais une minute et pourtant des fois il le mérite plus que Toff. Ah oui, une minute au coin, oui, voilà, bien sûr. Ouais. Et ouais, il y a un message qui dit big up au taxi de Bruxelles, c'est Taxi Aziz qui avait envoyé le message. Et alors Toff, espèce de mange-merde. Oui. Merci. Mais bah, tout est dit. Ça me fait plaisir. Mais je pense que tout est dit. En parlant de mange-merde, on va continuer les appels malveillants. Mais allons-y. Car il est l'heure de faire les appels malveillants. Et si vous avez des numéros de téléphone aussi sympathiques que celui qu'on a eu tout à l'heure, hein, qui était beau. Va t'occuper de ton gros cul, va. Ta gueule, va niquer ta mère, va, sale fils de chien. Voilà, comme celui-là, hein, c'est parfait, hein, voilà. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous envoyez les numéros de téléphone de ce genre de personnes sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti. Allons-y. Allez, remettons le couvert. À minuit 32 sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez là, c'est Mickaël de Limite. Et on est là jusqu'à 2h. Ça ne décroche pas, c'est dommage. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà eu envie de changer de sexe, monsieur. Pardon ? Est-ce que vous avez déjà eu envie de changer de sexe, monsieur ? Bah, va te faire enculer. Enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Bah, on sait pas pourquoi il le dit, mais du coup, on va lui demander, on va le rappeler. Ah bah oui, oui, il alors, faut, il faut. Retour chez ce monsieur très sympathique. Oui, allô. Oui. Oui, monsieur, enfin, pourquoi vous me dites ça ? Ça se fait pas, monsieur, de dire ça ? Attends, enculé. Mais non, monsieur, enfin. Oh, putain, il a pas beaucoup de conversations. Non, hein. c'est très limité. C'était plus sympa avec l'autre de tout à l'heure. Oui. On le rappelle. Après, c'est de décrocher. Oui, je m'excuse, mais faut pas le prendre comme ça, madame. Parce que, enfin, votre mari, il était un peu énervé. Mais de quoi vous parlez, là, monsieur ? Ben, je sais pas, votre mari, je l'ai appelé, il arrêtait pas de me dire d'aller me faire enculer. Ben oui, ben, vous vous faire enculer, vous parlez de quoi, là ? Ben, parce que je voulais savoir si vous aviez déjà eu envie de changer de sexe, madame. Vous voulez vous faire enculer, vous aussi, vous appelez plus. D'accord ? Ben, non, madame, c'est pas gentil de dire ça. Vous allez vous faire enculer. Mais ça se fait pas, madame, enfin, on dit pas ça aux gens qui appellent. Laissez-nous tranquille, merde. Mais je vous laisse tranquille, madame, c'est vous qui répondez pas à la question. Ah non, là, raccrochez de nouveau. Donc c'est la famille, alors, hein. Ouais, c'est la famille, va te faire enculer. C'est la famille, va te faire enculer, exactement. Bon, bah tant pis, on en fera d'autres tout à l'heure, dans moins d'une heure, des appels malveillants. Il y a Alika qui dit coucou toute l'équipe. Moi, ce qui me rend juste heureux, c'est de rester des heures près de mon cheval, dans son pré. Quand je vois mon meilleur ami, j'imagine, et quand je vois celui que j'aime, et je le vois demain, la Zik aussi, et regarde à l'air Cobra, et vous écoutez tous les soirs, je vous adore. Bah c'est gentil, Alika, gros bisous à toi. Richard également. Je peux avoir un message de bienvenue. Voilà, tu viens d'en avoir plein d'un coup là pour le coup. Hein. Je t'en mettrai d'autres tout à l'heure, vous inquiétez pas. Bon, continuez à nous appeler, n'hésitez pas aussi. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis là, on accueille Raphaël pour donner les résultats de la colle. Alors, Raphaël, t'es là ? Oui. Parfait. On va donc y aller, c'est parti. Résultat de la colle. On va donc appeler éventuellement bah, le gagnant ou la gagnante. Hein. Celui ou celle qu'on appelle maintenant, si il ou elle décroche et donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si il ne donne pas la bonne réponse ou qu'il ne décroche pas, c'est toi qui gagne. D'accord ? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle maintenant. Bonne chance à toi. Encore faut-il que ça sonne ? Ah si, voilà, c'est bon. Encore faut-il que ça décroche maintenant, à minuit 34. Allô ? Oui, allô ? Oh, on t'entend mal, malheureusement. Ah, allô, ça va couper. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. On t'entend mal. Allô. Ça ne capte pas. Merde. Allô. Allô. Bon. Bah, on va prendre... Allô. Oui. Oui, on t'entend mal. Allô. Allô. Excusez-moi, je suis en train de conduire. Allô. C'est très dangereux. Oui, c'est très dangereux. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Mylène. Mylène. Bon, l'avantage chez la roule, c'est qu'elle a plus de 18 ans, teuf. Oui, ça, j'ai rien. Oui. Bon, Mylène. Et en plus, si elle met qu'une Mylène, après. Une minute. Elle est à moitié nue. Hop. Voilà, ça y est, c'est fait. Une minute au coin, ça nous fait des vacances. Ils peuvent pas comprendre ce genre de van, teuf. Mais non, Mylène. Il faut du temps pour réfléchir. Oh là là. Bon, Mylène. La colle de Raphaël qui va te répéter maintenant. Vas-y, Raphaël. Alors, je suis dans l'eau, je suis dans l'air, je suis à la tête de 25 petits soldats, et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? Alors je suis désolée pour toi, mais la réponse c'est la lettre A. Bien vu. Et ben voilà. Eh ben voilà. Bravo Mylène. Bravo Mylène. Et du coup, comme Tof est puni, il ne pourra pas te faire de chiffres et lettres, ce qui va beaucoup le frustrer. Mais tant pis. Voilà. Et eh ben voilà, on ne saura pas à quoi tu ressembles, c'est pas grave. Bon, eh ben je te fais des gros bisous, Mylène, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer bah, tout simplement le haut-parleur Bluetooth, à moins que tu préfères un cadeau pour papa. Non, non, j'en ai rien à foutre, alors qu'il aille se faire foutre. Il n'y a pas de problème, gros bisous, Mylène. Merci beaucoup. Salut, attends, ciao Mylène, à toi. Reviens. Mylène, combien mesures-tu? Je fais 1m65. Combien pèses-tu? 63 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D, pardon. Ah, D comme Denise? Non, C. Tout à fait. Ah, C comme c'est énorme. Non, D comme Denise. Ah, D comme Denise, ah bah dis donc. Et la taille du... A et D, et puis j'ai entendu C. Ouais. C'est, t'as fait la moyenne. Ouais. Et la taille du dernier pantalon que t'as acheté? 40. Ah, il peut aller, l'ami. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est, elle est... Effectivement. Ah oui, il y a de la branlette espagnole à se faire. Merci Toff. Bon plaisir. Mylène, je te renvoie chez Sandro, je te fais des gros bisous encore. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao, à bientôt. Et Raphaël, eh ben écoute, merci d'avoir joué quand même, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, merci à vous. Bon, ben y a pas de problème, et salut à toi. Ouais, ouais Raph. Y a moyen de gratter un pack fun ou pas? Bien sûr, évidemment, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse tout de suite. Ok, merci. Salut, à bientôt, ciao. Allez, on va prendre, on va récupérer Mehdi là maintenant, là, qui a surpris ses profs ensemble. Enfin, c'est même pas ses profs, c'est son directeur et sa prof. Mehdi, t'es toujours là? Ouais, ouais, toujours. Bon, très bien. Et du coup, t'as rendez-vous, ton directeur t'a convoqué demain à 10h au Bahut pour avoir des nouvelles. Donc, dites-nous si vous êtes déjà arrivé. Est-ce que vous avez déjà grillé vos profs en train de niquer? Est-ce que vous avez déjà grillé vos profs avec un autre élève? Comment ça s'est passé? 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a le Twitter qui marche aussi avec le hashtag Mickaël Fun Radio. Et puis, vous pouvez aussi envoyer tous vos messages par SMS. Envoyez Mickaël et votre message au 64 900. Bon, alors, Mehdi, il y a Mohamed qui est avec nous maintenant de Mulhouse. Là. Salut, Mohamed. Allô? Allô Mohamed, ça va bien? Oui. Bonjour Mickaël. Salut Mohamed de Mulhouse. Alors, est-ce que t'es déjà tombé, toi, sur ton prof ou ta prof en train de se taper quelqu'un d'autre? Oui, je suis tombé sur deux de mes profs. Mon prof d'histoire et ma prof d'SVT. Ah, SVT et histoire, d'accord. Oui. Bah oui, bah en fait, je suis rentré. Allô? Oui, on est là, t'inquiète pas. Allô. Oui, on est là. Allô. Oui, tu es en train de nous faire la même vanne que tout à l'heure, Mohamed, ou je rêve? Allô. T'es en train de nous faire la même vanne? Non, je rigole. Enculé de douve. Ah, sale douve. Allez, vas-y, ça, Mohamed. Ça mérite un coup de pelle, je pense. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Même, hop là, voilà, les deux. Bon, allez, vas-y, continue. Bah bref, Il est content, il a fait sa vanne, il est content. Hein. Regarde, il est là, il est content. C'est un doux heureux. Exactement. Vas-y, Mohamed. Bah j'ai surpris mes deux profs dans la salle d'histoire et s'embrassaient. Ah bon, voilà. Langoureusement avec la langue et la bave qui déborde. Voilà, c'est ça. Et alors, ils ont vu que tu les avais grillés ou pas? Oui, voilà, ils m'ont vu et bon, je suis parti, mais le lendemain, ils m'ont convoqué, quoi. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement? Bah voilà, c'est parfait, c'est exactement la même histoire que Mehdi, tiens. Bah, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit le lendemain? Bah ils m'ont dit quoi? Allô? Non mais pas deux fois la même vanne, Mehdi. Hein. Mohamed. Allô. Mohamed, pas deux fois la même vanne, les plus courtes sont les meilleures, c'est ce que j'essaie je me tue à dire à Toff à chaque fois. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit du coup le lendemain? Bah ils m'ont demandé ce que j'ai vu, tout ça, et moi j'ai dit timidement que je les ai pu s'embrasser. Ouais. Et voilà, ils m'ont dit de rien dire, tout ça. Ouais, voilà, tu vois, c'est ce que je voilà, dis. Comme si de rien n'était, quoi. Exactement, ouais. Mais ça n'empêche, il n'empêche que du coup, tu as quand même un petit joker, Mehdi. Si jamais il y a un petit problème de notes, hop, tu peux toujours remettre ça sur le tapis. À ce sujet, moi, en fait, genre mes notes, des fois j'avais genre 10, des fois j'avais l'impression quand je regardais ma copie. Oui, elle arrondissait à 20. Elle augmentait, voire genre de 3 points, 4 points même. Ah oui, elle était généreuse avec toi. Ah ouais, putain, ça valait bien la peine de tomber dessus, hein, de tomber sur le dossier. Là, tout ça grâce à une soupe de langue, c'est pas mal. Grave, c'est clair. Bon bah attends, il y a aussi Sullivan. Ouais, Mohamed. Je peux rester après. Bah, si tu veux. Tu peux rester chez toi. Oui, pourquoi tu veux rester dans le standard? Non, juste là, comme ça, tranquille. Ouais, tranquille, bah t'inquiète, on est en famille ici. Hein. Il y a Sullivan aussi qui appelle de Carré dans le Finistère. Salut Sullivan. Ouais, tranquille ou quoi? Eh bah très bien, et toi? Tranquille, pépère. Ouais, t'as bien gros. Allez, tranquille, Sullivan. Bon alors, Sullivan, toi t'as grillé tes profs aussi ou pas? Ouais, j'avais grillé mon surveillant en train de mettre une petite fessée à ma prof de français. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Oh, les petits cochons, ouais. Et alors du coup tu les as grillés mais ils l'ont vu ou pas? Non, il est venu, ouais, il lui a mis une fessée aussi. L'envie, le surveillant m'a pris dans le bureau et m'a dit ouais, t'as intérêt à fermer ta gueule, sinon tu vas être dans la main. Je fais non, ça va être toi qui es dans la merde si tu fermes pas ta gueule. Et du coup tu lui as dit texto comme ça là? Comment? Tu lui as dit comme ça texto? T'as pas pour regarder trop le parrain toi? Non, j'ai regardé Scarface, désolé. Voilà, tu vois. Non mais tu lui as dit comme ça ou tu là t'es en train de te la ramener un petit peu? Moi je lui ai dit cash comme ça, je fais ouais, t'as intérêt à monter notre devis scolaire parce que... Ouais. Sinon, je dis à tout le monde. Ouais, ça c'est un doux, hein. Ouais, c'est clair. Et alors du coup, il s'est passé quoi derrière? Bah je l'ai dit à tout le monde, mais ma note de vie scolaire elle a monté quand même. Ça va, sympa. Moralité, c'est bien de se faire griller. Il y a un message qui est arrivé par SMS au 64-900 en débutant par Mickaël qui dit mon prof de musique qui s'est fait ma prof de français avant de nous faire cours. Ah sympa, au moins il était de bonne humeur. Ma prof d'histoire a embrassé une autre prof de physique, tout le collège le sait maintenant. Et alors Yanis qui dit moi c'est ma bite qui me rend heureuse. Oh bah écoute, tant mieux. Ma bite qui me rend heureuse. Oui. Ouais, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont de la chance. Oui, mais ma bite et qui me rend heureuse. Oui, c'est une bite. Mais si tu veux, on ira en boîte de boulot, on t'expliquera. Oui, c'est ça. J'ai triqué mon prof de français à rentrer dans les... Attends deux secondes, parce qu'il y a Polo, il a pas percuté sur le même truc que moi. Mais si, non, il a la bite. C'est ma bite qui me rend heureuse. Oui, bah oui, c'est la bite. Une qui bite, rend heureuse. Féminin. Oui, elle le rend heureuse. Non, mais elle dit, moi, c'est ma bite qui me rend heureuse. Ah, c'est une fille. Bah, j'en suppose. Moi, si je dis que c'est ma bite qui me rend heureux, je dis que c'est ma bite qui me rend heureux. Oui, non, mais là, c'est sa bite qui le rend heureuse. Ouais, mais c'est pas sa bite qui est heureuse, c'est lui. Et une fille n'a pas de bite. Ma bite, non. Mais oui, mais je sais pas qui c'est, moi. Ah bah, moi non plus, mais s'il a mis ça, c'est que... Mais peut-être que c'est un mec qui travaille au bois de Boulogne. Madame, monsieur, bah, je mais sais pas. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas les bonnes ponctuations, peut-être qu'il a dit c'est la bite, comme la bite est féminin, est-ce que c'est la bite qui rend heureuse? Je crois pas. Moi, c'est bizarre hein, comme histoire. Bah, donne-nous plus d'infos, tiens. N'hésite c'est vrai pas. Que c'est bizarre. Bon, et donc Sullivan, donc toi, tu l'as fait tranquille, ça t'a donné des points. Tu vois, Mehdi, finalement, Mohamed, il a gagné des points. Sullivan, il a gagné des points. Bah, toi, tu gagneras des points aussi, Mehdi. On te rappelle demain pour avoir le fin mot de l'histoire. Oui, d'accord. On fait comme ça. Ça roule. Bon, allez, bah, merci d'accord. En tout cas, Mehdi, d'avoir appelé. Et puis, t'embrasses tout le monde demain au bahut. Mohamed et Sullivan, pareil. Vous revenez quand vous voulez, tous les gars. Allô. Est-ce qu'il y a moyen de rater un texte, s'il vous plaît? Ouais, Sullivan, sans problème. Tu peux rester ça avec Sandro au standard. Pas de problème. Oui, une seconde, Mohamed. Excuse-moi. Salut, Sullivan. Salut. Ciao à toi. Salut, Mehdi. À demain. Mohamed, tu voulais dire Allô, t'inquiète pas, Mohamed. Tout va bien. Je ne vais pas te raccrocher au nez. On ne fait ça à personne. Ne bouge pas de là. Tout va bien. Mohamed. Qu'est-ce qui... allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Est-ce que je pourrais devenir canulariste, s'il vous plaît? Canulariste? Tu sais que c'est un métier, canulariste. Oui, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont tenter. Attends, faut expliquer aux gens qui connaissent. Je suis payé Copac Fun, ça me suffit. Tu es payé quoi? Copac Fun. Copac Fun, ouais, mais en même temps, t'en sens pas 17 non plus. Hein. C'est un pack fun, il n'y en a pas 100 000 à offrir. Parce que le canulariste, donc c'est Damien, c'est ça? Oui, c'est Damien. Damien qui est un auditeur très talentueux, évidemment, qui veut devenir canulariste, qui a beaucoup de talent. Hein. Oui, c'est vrai. Qui n'exploite pas assez, malheureusement, mais qui a beaucoup de talent. On va essayer de l'avoir. Oui, Damien, parce qu'il faut qu'il montre à Mohamed comment il doit faire. Bah, on fera un battle, tiens. Mohamed, reste avec nous. Ne bouge pas de là. On aura Marvin dans quelques instants. On aura Romain. On aura Andy pour voir un petit peu ce qui rend heureux. Et puis, on va parler des trucs interdits dans certains pays. Parfois, je me demande pourquoi. C'est quand même un truc improbable. Ne bougez pas. On fait ça juste après. Le son de Jason Derulo et Snoop Dogg qu'on écoute maintenant au cœur de 2h sans pub sur Fun Radio à minuit 45. C'est Wiggle sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla. Like that. Just throw hands, baby. Now make it clap, clap, clap like. Damn, baby, you got a bright future behind you. Sorry, Snoop. Jason Derulo à l'instant et Snoop Dogg. C'était Wiggle. Il y a Yoann qui dit enfin un son qui fait pas mal à la tête sur Fun. Merci, Mickaël. Écoute, je t'en prie, plaisir. Hein. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies. Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël Nolimit, tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est toujours en direct, il est minuit 48. Il y a plein de messages qui arrivent encore avec le hashtag MIKL Fun Radio. Je rappelle que pour gagner au top tweetos ou pour qu'on lise ou tout simplement vos messages en direct, il faut impérativement, pour ceux qui sont sur Twitter, envoyer le hashtag MIKL Fun Radio suivi de votre message. Et puis on lira tout ça évidemment en direct. Yannès qui dit Jason Derulo et Snoop Dogg Wiggle. Bon là je suis obligé de me lever pour danser. Ah bah voilà, écoute, n'est-ce tant mieux. Fabien qui dit est-ce que Toff peut se prendre un coup de pelle s'il vous plaît. Oui, en plus t'as lié aux chiottes, je sais pas ce qui lui arrive, mais je pense qu'il est en train de démonter le chiottes là. Christophe qui dit génial les vidéos de Clara Morgan là, je kiffe sa voix comme dans ses super vidéos, je peux avoir un message de bienvenue et dédicace à tous les riders. Ouais, alors Clara Morgan qu'on a reçu dimanche dans l'émission, et Clara Morgan s'est fait insulter par un Marseillais. Donc si vous voulez voir la vidéo, si vous n'étiez pas là ou si vous voulez simplement re-kiffer, eh bien vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de l'émission, vous tapez MIKL officiel et puis bah vous comme ça vous verrez la dernière vidéo en date de Clara Morgan et puis abonnez-vous à ma chaîne et puis je m'abonnerai également à la vôtre avec grand plaisir. Donc je compte sur vous, continuez, balancez le message, prévenez vos potes également. Clara Morgan, c'était sur Fun Radio dimanche soir entre 20h et minuit. Il y a X-Frit qui dit moi j'ai deux profs homo et je les ai vus en train de se caresser la jambe. Ils allaient presque s'embrasser, mais ils m'ont vu. Ah ça va. C'est chaud. Mais oui, et CCD Fédé qui dit bonsoir toute l'équipe, vous allez bien? Bah écoute, oui, plutôt pas mal. Moi ça va comme je vous écoute, gros bisous à toute l'équipe. Bah salut à toi et gros bisous à toi aussi. Et Devers45 qui dit moi ce qui me rend heureux c'est d'avoir un beau temps toute la journée et faire un foot entre potes. C'est pas mal aussi, surtout quand on gagne. Damien qui dit tu te trompes sur la SNCF. De quoi je parle? Ah oui, par rapport à la grève. Ouais. Bah non, je me trompe pas. Quand on fait une grève, ça casse les couilles, point. Je me trompe pas. Ah bah oui, que aujourd'hui ce soit c'était dans la SNCF et les taxis. Bah oui. Voilà, c'est juste relou quoi. Ah oui, ça nous casse les couilles, c'est complètement. Sûr. Antoine qui dit Mickaël, ce qui me rend heureux, c'est d'être en vacances et de passer en première aile. Un message de bienvenue, je vous kiffe. Bravo Antoine. Ouais. Allez, un de plus. Eh ben bravo un de plus qui passe en première là, c'est bien, continuez comme ça, bravo à tous ceux qui ont leurs résultats et un petit message de bienvenue pour fêter ça. Je t'ai éjaculé à ta face de PD, de gay, comme ça t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? Voilà, et bravo. Mention spéciale pour Toff qui passe en CP. Bravo. Oui, oui. Ben ça y est, c'est fait, hein. Bravo enfin, hein. Depuis 20 ans. Exactement, merci, ça y est. J'ai galéré. Hein. Après 17 échecs, 17 ratés, ça y est, c'est fait, il Toff y passe. Est en CP. Oh putain, sa mère était ravie, hein. J'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle nous a fait un gâteau. Elle n'y croyait plus, hein. Elle a fait une galette avec la tête de Toff dessus. Puis le temps qu'elle attendait. Imagine la galette avec la gueule de Toff dessus, l'angoisse. Non mais une horreur, franchement. Non, je suis pas d'accord, moi je me suis trouvé très beau sur cette galette. Ah ouais. Et il y a Rainbow qui dit enfin Mickaël No Limit, vous avez manqué depuis hier soir. Ah oui, un message t'arrive en début d'émission, ah bah oui. Tant pour moi. La Fréterie Elba qui nous salue, salut la Fréterie Elba. Et Wendy qui dit train et taxi sont capables de ne rien faire pendant une journée à part faire chier le monde et ça ose se plaindre. Oui, j'avoue, effectivement, je ne peux pas vous défendre là-dessus, je suis désolé. Hein. Bon, il y a des trucs interdits dans certains pays, j'en parlais juste avant le son de Jason Derulo et Snoop Dogg, et il y a quand même des moments où je me demande pourquoi, c'est un peu comme les lois américaines, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a sûrement une raison, mais de là à faire des lois pour ça, c'est quand même un peu abusé. On est tombé sur plein de trucs, c'est un auditeur qui nous avait envoyé ça, alors c'est vrai qu'on a déjà fait les trucs sur les lois un peu bizarres, mais là, je pense qu'on est quand même On est encore plus loin. On est quand même encore plus loin là, alors c'est en Chine, jusqu'à l'année dernière, les consoles de jeux vidéo étaient bannis du pays. Raison invoquée, empêcher la jeunesse de gâcher son temps plutôt que de travailler. L'interdiction a depuis été levée. Oui, c'est parce qu'il y a trop de chômage, du coup, ils sont obligés de les occuper. C'est ça. Alors à Singapour, pour le coup, j'y suis allé, je peux vous dire que c'est vrai. Les chewing-gums à vocation non thérapeutique, soit quasiment toutes les marques, en fait, hein, tout simplement, hein, sont bannis depuis 92. Aucune importation ou exportation n'est tolérée. Ce qui veut dire que quand tu vas n'importe où à Singapour, tu ne peux pas acheter de chewing-gum, ce n'est pas possible. C'est dingue. Pour éviter qu'il soit jeté par terre, qu'il décrase partout, etc. etc. Ah, donc c'est dégueulasse le sol. C'est interdit. Ça, et puis là-bas, t'as pas intérêt à mettre ton mégot de cigarette par terre. Hein. Enfin, bon, moi je fume pas, mais pour le coup, je kiffais. Hein. Les clubs sont hors de prix, personne ne fume. Putain, c'est. Enfin, il y en a, mais c'est hyper rare. Tu peux fumer nulle part, c'est quand même hyper violent. Donc, j'aime bien, moi, Singapour, c'est cool. En 99, aussi incroyable que ça puisse paraître, les Furbies ont été bannis des locaux de la NSA. Donc, c'est l'Agence de sécurité nationale américaine. Ouais. Et donc, les Furbies, c'est une espèce de petit. Comment on appelle ça? Ouais, c'est une espèce de pluche, quoi. Ouais, les pluches, voilà, où on pouvait enregistrer. Et donc, ils craignaient que ces dernières n'enregistrent des informations classifiées. Voilà, donc ils sont complètement barrés les requins. Alors au Danemark. En même temps, qui va au bureau avec un Furby quoi? Bah, je sais pas. Au Danemark, il existe 24 000 prénoms de bébés approuvés par le gouvernement. Si les parents souhaitent nommer leur enfant différemment, ils doivent effectuer une demande spéciale auprès du gouvernement pour qu'ils donnent leur permission. C'est dingue. J'en ai d'autres. Si vous en avez aussi, balancez-les. 64 900 par SMS. Débutez le message par Mickaël et vous mettez votre message justement. Et puis par Facebook et Twitter également avec le hashtag Mickaël Fun Radio. Je compte sur vous, bien entendu. On va dans quelques minutes également jouer ensemble au karaopé. Ah. Grand jeu, des chansons très connues transformées en paix. À vous de découvrir le nom du chanteur ou de la chanteuse. On a besoin de deux garçons et deux filles. Donc si vous voulez jouer avec nous, bah, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. J'ai vu que ma prof d'histoire est lesbienne. Avec la prof de techno, je ne me suis pas fait choper. C'est dommage, t'aurais dû te faire choper parce que ça t'aurait fait amener ça ramène des points. Ça ramène des points. Ou moi, tu les menaces, tu leur bouffes la chatte. C'est une idée. Moi je dis ça, après c'est pour vous rendre service, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, on avait Mohamed qui voulait devenir canulariste. Ah oui, bonjour. Bon, rebonjour Mohamed. Bon, alors n'est pas canulariste qui veut, je rappelle que canulariste c'est un mot qui a été inventé par Damien ici présent. Damien, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Bon, très bien. Ah, salut. Et Damien qui essaye de devenir, de faire des canulars depuis quelques semaines maintenant. Il y a de l'évolution. C'est pas encore parfait, mais il y a de l'évolution, Damien. Oui, l'évolution. Continue comme ça, Damien, c'est bien. Évidemment. Mais où est-ce qu'on peut écouter tes canulars, Damien? Mais sur YouTube, tu t'appelles Damien Rigaud. Ah, d'accord, ok. Damien, et puis on tombe sur, on sort sur tes canulars alors. Ouais, c'est sur l'image, c'est comme un ventilateur avec une botte dessus. Parfait, on a compris, c'est parfait. Un enculateur? Non, ventilateur. Ah putain. Et du coup, Damien, est-ce que t'as une nouvelle idée pour ce soir là, pour un thème? Moi j'ai une idée aussi. Non, mais ça tombe bien, je demande d'abord à Damien, moi, mais reste calme. Je vais appeler des personnes et je vais dire s'ils préfèrent manger des bananes plutôt que sucer des bites. Manger des bananes plutôt que de sucer des bites, c'est ça? Ouais. D'accord, ok, très bien, bah reste là, on va faire ça dans quelques minutes. Et toi Mohamed? Attends, Damien, est-ce que t'as le haut-parleur ou la radio derrière là? Ah, il y a la radio, ouais. Ah oui, bah coupe-la Damien. Et toi Mohamed, tu veux faire quoi comme canular? Oui, bonjour monsieur, j'aimerais savoir quelle est votre position sexuelle préférée. Ouais, mais c'est ça c'est... Ouais, mais c'est pas bon. Très original. On l'a déjà fait. Alors que les bananes de Damien, tu vois, c'est vrai. Bon, écoute, Mohamed, écoute Damien, il va te montrer comment on fait. Ok. D'accord. Donc ne bouge pas. Damien, est-ce que t'es prêt? Alors attention. Damien, quelques conseils, n'oublie pas le pas de ça entre nous. Ouais. Et reste poli, correct et souriant. Exactement. Bon, t'es prêt? T'es prêt ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Ah merde, attends, j'ai pas composé le numéro de téléphone là. Ah bah oui, il faut que je compose le numéro de téléphone. Alors attends, hop là. Je compose le numéro de téléphone. C'est parti. Désolé à celui que je viens de raccrocher au nez. On va te rappeler dans quelques minutes, là c'est ma faute. C'est moi qui t'ai raccroché au nez, hein. Je sais plus comment tu t'appelles là, qui voulait jouer au karaopé. On va te rappeler, bouge pas. Allez, c'est parti, on y va. T'es prêt, hein? Ouais. Damien? Ouais. Allez, c'est parti. Attention. Oui, allô? Okay. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, du bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, du bonsoir. En fait, je vous appelle pour du bonsoir. Vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Oui, du bonsoir. En fait, je vous appelle pour savoir ce que faire. Moi, je n'ai pas même plutôt que faire avant si ça m'évite. Oui, allô, je comprends rien. Je viens de toi. Qu'est-ce que tu dis là? Je veux savoir si vous préférez manger des bananes plutôt que faire l'amour. J'ai pas du compris. C'est pour savoir si vous préférez manger des bananes plutôt que faire l'amour. Oui, mais tu es être qui, toi? Moi, je m'appelle Dea, mais ça répond pas à ma question. Ah oui, non, ça je comprends bien que ça répond du pain, hein, parce que je comprends rien pourquoi tu appelles, hein. Mais je vous appelle parce que vous avez une question, c'est tout. Ah oui, mais c'est une question un peu con, débile comme ça dans ton tête. C'est juste, ouais. Oui. Eh ben, tu vas, tu sais quoi? Tu vas prendre ton question, tu vas mettre au fond du cul de toi et tu vas raccrocher, hein? Non, pas entre nous. Oui. Allez, hein? Du bonsoir. Eh ben voilà. Il a raccroché Damien. Oh là. Il y a de l'amélioration, hein? T'as vu Mohamed? Ah oui. C'est du haut level, là. Hein. Ah oui, j'ai trouvé aussi un thème aussi, mais. Attendez. Faites-le entre vous, là, Mohamed. Canularisez-vous entre vous. Oui. D'accord. Alors entre attends. Damien et Mohamed, canularisez-vous entre vous, hein. D'accord. Alors allez-y. Je commence. Comme tu veux, comme vous voulez, démerdez-vous. Canularisez-vous. Ok, oui, bonjour monsieur, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà fait l'amour en jouant aux jeux vidéo? Non, allô mais... monsieur. Ouais, non mais, c'est quoi cette question? Bah, je vous demande, quel est votre... Je vous demande, est-ce que vous avez déjà fait l'amour en jouant aux jeux vidéo? Bienvenue dans Fringe, le monde parallèle est là. Non. Oh, non, mais... Et ça, ça allô. C'est là, on est 3 ou 4 dimensions à côté. Allô, et ta soeur, elle a fait? Non mais monsieur, pas de centre ou je vous demande. Il est moins mauvais. Hein, mais... Vous avez déjà joué aux jeux vidéo en faisant l'amour? Allô? Non, mais oui, écoutez. Tu es un enculé. Pardon, monsieur. Moi, tu es un enculé, sale con. Ne soyez pas. Et si je répondre à la police, ok? Alors, mais... si je allô? C'est mal parti, mon gars. Mais non, monsieur, mais non. C'est ce truc du cul. Hein. Non, ça, ouais. Ah, ils se prennent pas, ils sont tous monsieur, les jours en mode ok, là. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà joué aux jeux vidéo en faisant l'amour à votre femme? Mais allez, quoi, ça vous amuse de faire des questions à la con, là? Attention, c'est terminé, vous êtes canularisé entre vous. À votre avis, quel a été le meilleur canulariste, Mohamed ou Damien? N'hésitez pas maintenant à donner votre avis. Hashtag Mickaël Fun Radio sur le Twitter de l'émission. Par SMS, vous envoyez Mickaël suivi de Mohamed ou de Damien. Vous envoyez ça au 64 900. Et puis, on va voir lequel des deux a été le meilleur canulariste. Ne donnons pas notre avis pour ne pas... influencer. Pour ne pas influencer les auditeurs. Quel a été donc le meilleur canularis? C'était dur, hein. Bah oui, Mohamed ou Damien. Allez-y maintenant, comme Jacques et Mickaël, Fun Radio, ou alors vous envoyez Mickaël et Mohamed, ou alors Mickaël et Damien au 64 900 par SMS. Bon, vous restez avec nous, Mohamed et Damien? Bah oui, pas de bon, soucis. Bon, hein. Bah on donne les résultats dans quelques minutes, là. Bougez pas, là. Eh ben. Ça me paraît pas mal, tout ça. Oh, c'était magnifique. Ah bah, je pense aussi. Moi, j'ai adoré ces appels. Hein. Grave. Il y a le bœuf ferré qui dit quelle bande de bouffons? N'importe quoi. Ness qui dit pété de rire, Nadia qui dit canulariste, tout à fait un nouveau mot de notre belle langue française. Oui, elle sera dans le dictionnaire d'ailleurs au prochain Larousse. Je vais le faire passer à l'académie. Parfait. Et Nathan qui dit ce qui me rend heureux, c'est d'écouter Mickaël et de jouer à la plaie en même temps. Et alors il y a Matmat qui dit par SMS au 64 900, moi ce qui me fait plaisir c'est quand les filles de mon cours de breakdance me font du twerk sur moi, surtout sur le sexe. Ah bah bravo, petit cochon là. Il y en a qui ont de la chance. Bon, on va prendre Andy, il y aura Romain dans quelques minutes et puis vous toutes et vous tous, si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus où que vous soyez en France. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et comme on dit depuis tout à l'heure, vous pouvez participer aussi par SMS si vous n'avez pas internet sous la main là. Vous avez simplement votre téléphone et vous envoyez Mickaël et votre message. Vous envoyez ça au 64 900 et au cœur de 2 heures sans pub sur Fun, on écoute 10 euros maintenant. C'est 5 hours sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec le son de Dioro, à l'instant c'était 5 Hours. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon alors, on fait un petit point du côté des canularistes là. Vous avez été nombreux à envoyer Mickaël et votre message, Mickaël et Damien ou Mohamed en fonction de qui vous voulez, pour qui vous voulez voter au 64 900 ou via le Twitter avec le hashtag Mickaël Fun Radio. Nadia Le Prince qui dit excellent, canularisez-vous entre vous. Il y a Alexis qui dit ils sont trop nuls. Valo qui dit ils sont sérieux avec leur canular. La mort de rire, mais sans hésiter, je choisis Mohamed. Très bien, Tov, du côté des SMS, ça donne Ça donne Mohamed. Mohamed pour l'instant, qui est loin devant. Très bien, bah, continue, je vous laisse encore 5 minutes. Hashtag Mickaël Fun Radio sur Twitter pour donner vos avis. Et puis, bien sûr, par SMS, envoyez Mickaël suivi de Mohamed ou de Damien. Et vous envoyez le tout au 64 900. Et la Belgique peut jouer aussi en envoyant son message au 3044, donc par SMS. Bon, Damien et Mohamed, du coup, vous restez encore avec nous quelques minutes là. On va prendre Romain qui est avec nous là maintenant. Là. Salut Romain. Oh, t'es un doux toi, non? Oui. Oh là là là là, quel âge a le doux? 10 ans. Combien? 10 ans. 10 ans. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais de vous encore à 1h05 du mat? Ben, je vous écoute. Moi, je me souviens quand j'étais doux. C'est où? Dès que je passais minuit, j'avais l'impression d'être un guerrier, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais, moi j'avais un espèce de... Bah, j'avais un casque et je me cachais comme ça sous la couverture. Ouais. Et j'avais pas de raison, mais je me cachais. J'adorais me cacher. Non mais même quand on allait j'allais au resto avec mes parents n'importe quoi, c'est quand on rentrait après minuit, t'avais l'impression d'être dans un autre monde. Avec la lampe, moi j'avais fabriqué une lampe avec une pile, tu sais les piles truc, et puis j'avais fabriqué avec une boîte d'allumettes Et j'avais fait un système de pour avoir une lampe quoi. Ah ouais, déjà c'est il était barré à l'époque hein, donc non, à la place d'allumer la lumière pépère tranquille normal dans sa chambre. Non, mais non mais ils sont loose day mec, c'est l'aventure. Bah oui, c'est l'aventure. Déjà à l'époque c'était le roi du bricolage, c'est vrai. C'est vrai. Bon Romain, tu nous appelles pourquoi toi? Pour devenir un doux confirmé. Ah, tu veux devenir un doux officiel. Alors attends, dit quoi, c'est confirmé. C'est comme le baptême, t'as la confirmation. Le baptême, la communion, t'as la confirmation. Après. Un doux confirmé. Bon, alors on y va. Bon, je te repasse Polo. Allez, c'est parti. Comment il s'appelle au fait? Ah bah, il s'appelle Romain. Romain. Oui. Du haut de tes 10 ans, tu veux devenir un doux confirmé. Oui, et j'ai 11 ans, pas 10. 11 ans, tu veux passer à la confirmation maintenant? Ben oui hein. Très bien, mets-toi à genoux Romain. C'est fait. Insulte-toi. Polo est en train de s'étouffer. Je suis un gros con d'homosexuel. Ben non, c'est pas bien de dire ça. Mais oui. Tu peux dire je suis un sale tof, je suis un sale con, je suis un sale enculé, tout ce que tu veux. Mais les homosexuels sont pas des cons. Romain, insulte-toi. C'est pas une insulte. Mais oui. Il a 10 ans. Ah mais justement, il faut lui inculquer les bonnes manières. Allez, vas-y Romain, recommence. La douceur. Je suis stupide, je suis le plus stupide de l'univers. C'est un gros patin de sa mère. Voilà, parfait. Ça, maintenant, jeune doux, prenez donc votre téléphone dans la main droite. C'est droitier, donc. Eh ben parfait. Assaisonnez-vous de coups. Ça suffit. Bravo. Ça sonne creux dans la tête. Hein. Romain, tu es devenu doux, confirmé, bravo. Ouais, tu seras... Eh ben bravo. Je l'ai trouvé tout à l'heure, je voulais absolument le placer, j'étais en train de trembler. Piquage doux. Le piquage doux. Tu seras le piquage doux. Le piquage doux, très bien. N'oublie pas de changer ton pseudo du coup sur Twitter et sur Instagram, sur Facebook, et puis de t'appeler par ton nouveau nom. Donc piquage doux ce soir. Le doux mou a déjà changé son pseudo également. C'est bien. Il y avait aussi un autre doux là. Vous appelez encore le doux. Il y en a plein. Il y en a plein. Ont changé leur. Tu sais ce qu'il reste à faire en tout cas. Bah bienvenue dans la communauté Romain. Attention, tu as une charge très lourde sur tes épaules puisque tu dois prévenir tous les autres, tous ceux que tu connais, qu'il faut écouter Fun Radio le soir entre 23h et 2h et le dimanche de 20h à minuit. Je compte sur toi Romain. Oui, ça vous va si j'ai déjà fait 50 personnes? C'est mal. Très très bien, mais il faut faire encore mieux, mais c'est déjà très bien, piquage doux. Ouais, super. Bon. J'ai pas Twitter et j'ai pas Facebook. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Bah, tant que tu préviens les gens, c'est le principal, d'accord? Et est-ce que c'est trop tard pour le cadeau de fête des pères ou pas? Ton père est debout là? Non, moi je veux le réveiller. Bon bah réveille-le, piquage doux. Mais t'es un ouf toi. Vas-y, réveille-le. Piquage doux, il a peur de rien. Ouais, violemment, réveille-le. Hein. Bon, peut-être pas violemment. Hein. Bah non, mais c'est genre, je vais papa, papa. Non, non, prends un verre d'eau. Il est capable, les doux sont capables de tout. Ouais. Je l'aime bien, j'aime bien les doux. Je sais pas, je les aime bien, ils sont marrants. Attendez, hein. Bah on fait que ça, piquage doux. Je vais faire un film avec les doux. Oh bah on fasse pareil, tiens. Ça s'appelait Doux Movie. Oh, génial. Après Scary Movie, ouais. Doux Movie. Hein, Tof? Réponds pas. Tof, t'es bon? Piquage doux. On va faire un film avec des doux. Ça va s'appeler Doux Movie. Piquage doux. Et c'est un doux qui court tout le film avec un piquet voilà. De glace. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'il fout, Romain? Oui. Bon, qu'est-ce que tu fous? Bah il veut pas. Bah il veut pas quoi? Attends, comment va pas? Dis-lui, réveille-le, il y a le fisc qui veut te parler. Ah non, il veut pas. Dis-lui qu'il a gagné un cadeau. Dis-lui qu'il y a le contrôleur des impôts au téléphone. Ouais, c'est urgent parce qu'on va lui faire une ristourne de 150%. Non, très drôle, il veut pas cette heure-ci. Non mais dis-lui qu'on va venir saisir les meubles demain s'il prend pas le téléphone. Et que la... Je suis en maison. Bon, il a dit merde. Un peu, oui. Ah bah tant pis, bah pas de cadeau alors pas le cadeau. Doux. Hein. Ah bah pas de cadeau, bah tant pis. Bah. Et bah tu expliqueras à ton père demain qu'il vient de passer à côté d'un stage en Lamborghini, dommage. Tant pis pour lui. Bon bah salut le doux. Salut. Salut, à bientôt, dommage. Bah oui, mais ça arrive. Andy qui est avec nous également là dans l'Aisne. Salut Andy. Yep, tout le monde. Ah mais toi aussi t'es un doux. Bah moi je suis un doux depuis hier. Hein. Tu ah oui, c'est vrai. C'était quoi ton pseudo? Ouais. Mon pseudo. Comment ça? Bah t'as eu un ton pseudo nom, ton hier. Nom de doux. Ton nouveau nom de doux. Ah. Le rebelle. Ah oui, le doux rebelle. Bah oui, je suis con, ouais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a un truc pour devenir chef des doux. Et je viens. Bah écoute, t'emballe pas. Sois déjà doux, rentre dans l'armée voilà. Tranquillement et après fais tes preuves. Tu sais comment, pour prendre des grades, il faut que tu fasses des choses, comment dirais-je? Si c'est comme à l'armée, tu deviens pas général, tout ça comme exactement. Ça. Exactement. Il faut que tu fasses des batailles, il faut que, voilà. Faut que tu nous ramènes du monde, faut que tu sois doux. Je me suis bastonné à l'école. Ouais, mais je te demande pas d'être battre. Allez, bastonnez-vous au bahut tous les deux là. Montez-vous les uns sur les autres. Le doux au collège. Le fight doux, tu sais, après le fight club. Doux. Bon, non, tu monteras l'année prochaine. On fera des stages. Ouais, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe le doux rebelle? Alors j'appelais pour réagir par rapport à ce qui nous rendait heureux ou malheureux. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, ta mère est au courant là qu'il y a une heure onze, t'es encore au téléphone là? J'en ai rien à foutre. Je crois pas. C'est un ouf. Ah bah bravo. Et personne n'est au courant. Et ton père est toujours en Afrique? Bah oui. Ah ouais, ça alors. Est-ce que soit le 12, soit le 17 juillet. Ah, il rentre le 12. D'accord, ok. Il rentre le 12 juillet. Est-ce que tu fumes des cigarettes en chocolat et tu bois du lait comme ça au bar? Non, je fume pas de cigarettes, je bois du panaché. Parfait, c'est très bien. Panaché. Un bon panaché. Bon, et donc du coup, là, qu'est-ce qui te rend heureux le doux? Alors moi, ce qui me rend heureux, c'est une fille à l'école, j'adore quand elle est présente parce que j'ai beau me prendre Pierrato par la même. Non. Non, toi t'es un beau gosse? Non. Eh hey, mais c'est mignon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider? Parce que nous on aime les doux. Pour m'aider, justement j'avais des services à vous demander pour présenter des trucs, pour devenir un canulariste. On parle de ta meuf, on parle de la meuf, on te parle pas de devenir canulariste. Pour la meuf, je crois que c'est un peu mort. Hein. Après Cirato, franchement. Bah attends, mais t'arrives avec la musique là, t'es là. T'es là tranquille, comment elle s'appelle? Je sais jouer Samuel Light ou au piano. Non mais on s'en fout, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Emma. Emma. Oh. T'arrives chez elle. Tu lui balances ta petite musique. Should I be feeling guilty? Et tu dis comment elle s'appelle? Let the judges Emma. Avec ça, elle craque, toutes les meufs craquent avec ça. Bah ouais, costume et guitare. Voilà, et après tu fais. Am I my lover? Attends, on va arriver au refrain là. Tu connais la chanson ou pas? Non. Mais c'est normal, t'es un doux. Écoute. It may be over, but it won't stop. Non, toi, il va pleurer là. Attention, écoute. Ah oh, putain, il va arriver le refrain là, James là. Oui, ça me touche, ça me va dans mon petit cœur. Attention, on y est, écoute. T'arrives, tu fais ça. Ah oh, putain, il m'a saoulé, je croyais qu'on y était au refrain. Je me suis fait baiser. Bon, t'es prêt, Andy, écoute. Ouais. Et là, tu fais. Emma, my lover. Emma, my friend. I want to fuck you. Because I'm due. Oui, because I'm due. My lover. Emma. Tu vois, tu peux essayer de faire ça, non? Ouais. Bon, je peux. Bon, putain, t'es pas motivé, le doux. Non, hein, non, putain. Non, moi, non. Je pensais que t'étais un rebelle, tu vois, un bon rebelle. En fait, t'es rien du tout, là. Après Cirato. Mais t'es pas un rebelle. J'ai écrit deux raps. Elle est où, ta moto? J'ai écrit deux raps pour elle. Deux raps. Vas-y, fais-nous. Fais-nous péter le rap, là. C'est quoi que t'as écrit pour comme rap? Je les ai jetés à la poubelle. Bon, bah, de mémoire. Allez, vas-y, de mémoire. Je sais plus. De mémoire. Oh. Fais attention ou je t'enlève ton statut de doux. Tu vas être excommunié. Ouais, va falloir que tu te rattrapes. Le rap que j'ai fait. Je suis sûr que tu te souviens encore, t'as juste honte. Et il faut pas avoir honte, c'est bien d'avoir fait des jeunes chansons. Ah ouais? Ouais. Allez, le doux. Alors. Attends. Vas-y, de mémoire. Emma. Allez. Arrêtez, parce que si ça se trouve, elle nous écoute, mais bon. Et bah ouais, bah c'est bien. Si tu veux, on l'appelle. Tu lui dis, on était potes. Bah voilà, c'est non. Ça. Pèse, mec. Non. Bah on si. On l'appelle, moi je lui dis, y a pas de soucis. Hein. Non. Quoi, non? Bon, tu veux pas? Elle dort. Elle dort, de rien. Je m'en souviens plus. Oh, le doux, là, les doux aujourd'hui, je te jure, ça sert plus à rien. Ouais. Genre, les doux, ça a plus de mémoire. Ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, tant pis alors, hein, c'est pas grave. Bon, le doux. Ouais. Bon, allez, va dormir. Il est temps. Non. Si, il va dormir. C'est un ordre du général. Le allez, général, allez vous général, coucher, hein. Ledoux. Le général des non. Doux. Non, toi t'es pas le général, toi t'es le créateur. Ouais, mais Polo c'est général des Doux et il va dire d'être couché, regarde. Oli, jeune Doux. Non. Mais qu'est-ce qu'il est con alors. Toi tu vas pas devenir quand chef. Tu vas pas devenir chef, je te dis direct. On va te débaptiser, on l'a jamais fait. Oh j'adore ce truc. Allez, va dormir. Oli. Va dormir. Sale Doux. Non. Passez-le aux armes. Hop là, voilà, il est au lit maintenant. Allez hop, c'est parti, il est parti dormir, c'est magnifique. Hop là, on s'est débarrassé du Doux. Vite fait comme ça. Hop, j'ai hop, un nouveau terminé. Film, on achève bien les Doux. Eh ben voilà, c'est une idée, pourquoi pas. Il y a Marvin avec nous maintenant de Charleville, salut Marvin. Ouais, salut Mika, comment tu vas? Ça va et toi Marvin? Ça va nickel. Qu'est-ce qui t'amène? Bah j'ai 18 ans aujourd'hui. Non, bon anniversaire, musique d'anniversaire. Allez hop, c'est parti. Bon anniversaire Marvin. Et quoi, tu nous appelles juste comme ça pour ça? Ouais, pour une musique aussi, pour mon petit anniversaire, non? Ah bah, moyen. Une musique, qu'est-ce que tu veux écouter? David Guetta, Blaster. Ah bah, je l'ai mis il y a une heure. Ah bah, on fait comme hier, plaisir. T'es bon, toi. Tu veux pas la version, bon, c'est pas celle de l'original, mais la version qui... la même version que David Guetta avec Blast Off, mais qui a été faite en 98. Blast j'avais Off. J'avais fait écouter un morceau ouais, lundi. Pourquoi pas. Oui, justement, j'ai entendu et ouais, j'ai attends, bien aimé aussi. S'il te plaît, c'est celle-là. Ça s'appelle Blast Off. Non, le titre de David Guetta, c'est Blast Off. Ah, j'ai entendu Blast Off. Non, pas Blast Off, c'est Blast c'est, Off. C'est une chanson à mon image. Voilà, tu veux que je te passe celle-là, celle de Apollo 440 avec Ain't Talking But Dub. Ouais, ouais, elle est un peu plus freestyle. Eh ben, elle est un peu, oui, ça c'est sûr. Bon, la version de David Guetta, c'est celle-là. Et la version d'Apollo 440, c'est ça. Oh, c'est de la drum and bass, ça. Ouais. Ah ouais. Et là, c'est Toff qui joue du... la trompette. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. La chopine. Eh oui, ouais, exactement. Ouais. Bah, je vais la mettre maintenant, alors, du coup. Bah, comme ça, tu l'auras eu. Bah, bon anniversaire à toi, Marvin. Hein. Ah, merci, Mika. Avec plaisir. À bientôt, Marvin. Salut, salut. Allez. Ciao. À la prochaine. Et on va sur le karaopé dans quelques minutes là. Restez tous là évidemment. Il est 1h18, on est déjà un peu à la bourre, mais c'est pas très grave. On parlera encore des lois débiles là qui arrivent et puis on donnera les résultats avec le fameux vote bien entendu des canularistes. Ah oui oui, ce gros vote des canularistes. Il vous reste donc quelques minutes maintenant pour voter pour Mohamed ou pour Damien en envoyant Mickaël suivi de Mohamed ou Damien au 64 900, ou alors bah tout simplement avec le hashtag Mickaël Fun Radio sur le Twitter de l'émission. Allez, c'est parti. Un morceau que vous avez pas forcément l'habitude d'écouter sur Fun. C'est la version bah, la même que celle de David Guetta, comme je le disais. Hein. En tout cas, le riff de guitare vient de là. Apollo 440. Ça vient de Van Halen, pour être précis, mais bon. Apollo 440, Ain't Talking But Dub. Alors, ça, c'était en 1998. Écoutez, moi j'adore. Mettez le son à fond de balle, vous donnez vos avis et on en reparle juste après. Et bah voilà, ça change un peu le son d'Apollo 440 à l'instant là. Ain't Talking But Dub. Et pour ceux qui se disent, tiens, ça me rate. Merde, c'est le deuxième qui part, c'est Call Rock the Mic. Oh bah je le mettrai peut-être à l'occasion, si celui-là, c'est celui-là. Ouais, oh, c'est un autre morceau d'Apollo 440, tiens, à l'occasion. Hein. Voilà. Un peu plus particulier encore celui-là. Et bon, pour ceux à qui ça a rappelé quelque chose, la leçon qu'on vient d'écouter, bah c'est la version de David Guetta. Hein. Bon, vous avez fait découvrir sur Fun Radio qu'on vous a passé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, restez sur Fun Radio. Il y a le Karaopé qui arrive dans quelques secondes, comme promis. Il y a Kylian qui dit oh putain, c'est une vraie bombe cette musique, trop cool. Ah, celle d'Apollo 440, ah, elle est pas mal. Hein. Valo qui dit dans le genre loi la con au Royaume-Uni, il est interdit de mourir au Parlement sous peine d'être arrêté. Qu'on m'explique. Ouais, il y a parfois des gens qui font des lois un peu particulières, c'est sûr. Damien qui dit que ce soit David Guetta ou Apollo 440, ce sont déchirés. J'avoue qu'ils sont pas mal tous les deux. Corentin qui dit cool le moment, un peu techno, je suis fan. Il y a Mr. Steven qui dit après la conspiration des lesbiennes, Polo se lance dans un nouveau long métrage intitulé Do Movie. Et DJ Hermix sur le Twitter qui dit ils ont pas l'expérience de Toff, ça s'entend pour les canularistes, justement, tiens. Bon, alors, on va donc donner les résultats. Le final, Mohamed et Damien. Mohamed et Damien. Ouais. Ah voilà. Allô, très bien. Alors attention, résultat final maintenant. On a fait les totos avec tous les messages qu'on a reçus sur le Twitter et tous les messages qu'on a reçus par SMS donc. Et nous en sommes à qui est le gagnant de ce soir dans le canulariste. Ah bah, nous avons 1 million de voix pour Mohamed et bon seulement 5 pour Damien. Non. Non. Bravo Mohamed. Bravo. Ah ouais. Bravo. Bon, t'as rien gagné, hein, juste l'honneur, quoi. Damien. Damien, faut qu'on parle d'un truc. Par contre, comme disait ma grand-mère, on a un œuf à peler avec toi là. C'est quoi ce canular là ? Lequel ? Écoute. Bonsoir tout le monde, pour les ceux qui sont pas là demain, on va appeler l'homme sans bite. J'espère que vous entendez ça. Personne sait ce masque. Alors attendez. C'est parti, 1, 2, 3. Ça c'est sur sa page YouTube. Hein. Bonjour. D'accord, il n'aurait pas attribué, vas-y, nique ta mère. Nique ta mère, hein. C'est bon. Attends. Allô, oui, bonjour madame. Bonjour. C'est pour savoir si vous portez des culottes à dentelle. Quoi? C'est pour savoir si vous portez des culottes à dentelle. C'est off. Oh le bâtard. C'est tof madame. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Attends. Ouais. C'est pour savoir quand, si vous avez mal aux couilles. T'as mal aux couilles. C'est pour savoir si vous avez mal aux couilles. Il va niquer ta mère avec tes mal aux couilles, fille de pute. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'appelles là, comme de Théon. Toi, c'est toi, ouais, monsieur. Alors, laisse ça, va te... Tais-toi, on va voir ta mère en train de se faire baiser par un champ de bite, ce fils de pute. Oh, le clash. Oh, putain. LOL. Ah oui, lol. Dis donc, t'as pas l'impression, Damien, usurpation d'identité. En plus, tu nous piques nos messages de bienvenue, Damien. Là. T'es pas vite gêné, mec, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah ouais, Damien. Ah ouais. Et en plus, toi, tu te fais passer. Hey, tu sais quoi, la prochaine fois, tu dis tof de fin radio. Oh là, et pas de ça entre nous. Et pas de ça entre nous, dis donc, quand même. Ah d'accord. Ah bah ouais, parce que là, t'as perdu ce soir, mais bon, tu peux remettre ton non-titre en jeu la semaine prochaine. Ouais, c'est bien, mais de regarder la lago rouge, j'ai sur les deux, non. Parfait, je, oui, c'est impeccable. Mais, Damien, même toi, tu vas pas voir tes vidéos, en fait. Pourquoi, il y a moins de vues? Non, c'est pas ça, il y a aucune vue. Ah. C'est normal, c'est que j'ai appris de les mettre. Ah, tu viens de t'y mettre. Ah, d'accord, ok. Bah oui, bah écoute. Eh, continue comme ça, parce que, tu sais, quand t'arrives à des millions de vues et tout, tu gagnes l'oseille, hein. Ah d'accord, ouais. Ah bah ouais, mec, si ça peut financer un vrai standard, hein, parce que t'as le même son que le nôtre, hein, pour plus ou moins. Plus ou moins. Tu peux nous expliquer l'euro de début, ça servait à quoi en fait? Ouais, pourquoi il y a eu un euro bouche? En fait, l'euro est sorti tout seul. Ah d'accord. Oui, d'accord, naturel, quoi. Okay, et d'accord. Tu le laisses sur la vidéo, toi? Bah bien sûr, et il veut pas découper derrière, tout ce compliqué. Oh là là. Bon, et bah très bien. Bon, bah alors Damien et Mohamed, bah merci. Allô, d'avoir participé à ce magnifique jeu. Hein. Attendez, j'aimerais dire deux choses. C'est pas bien de dire des insultes aux gens. Ouais, alors, ça par contre, oui, c'est vrai. Ah oui, faut être gentil avec les gens. En fait, je vous appelle pour ça, ça vous dit que c'est un enterre avec des films pour vous. Alors, ouais. Damien, t'es parti tout seul dans un. Dans un appel. Ouais. t'es parti tout seul dans un appel comme ça en freestyle. On est en train de perdre tout. Ah désolé, tu sais en fait il a des spasmes comme ça. C'est-à-dire que parfois à mon avis s'il se fait arrêter par les flics c'est monsieur l'agent, oui, vos papiers, vous avez déjà mis une banane dans le cul, comment? J'ai déjà fait aux flics moi. Ah tu l'as déjà fait aux flics, bah très bien, parfait. Non, pas aux flics mais j'ai des affaires avec eux moi. D'accord. Ok, eh ben ok, parfait. Ils m'ont mis 7 mois sur fil. Oui, ah bah ça m'étonne pas hein. Bon Damien, on va pas te déranger plus longtemps parce qu'on sait que t'es quelqu'un de très occupé. Non, t'inquiète. Et puis bah tu repasses quand tu veux hein, sur Fun, avec plaisir. Et t'inquiète, hein, je vais m'abonner à ta chaîne. Ah bah bien sûr, bah nous aussi, tiens, et sans problème. Salut Damien. Au revoir. Ciao à toi, salut Mohamed. Allô, ouais. Attendez, j'aimerais dire aussi quelque chose. Vous dites que Top il est moche. Oui. Bah c'est lui le plus beau gosse de l'équipe, non? Merci, merci Mohamed. Ah non, mais Mohamed, tu as tout à fait le droit d'avoir mauvais goût, hein. Non, mais j'ai regardé sur internet, j'ai regardé sa tête. C'est lui le plus beau gosse de l'équipe. Mais non, mais tu vas pas dire ça. On salue. Je suis désolé les gens, mais. Mais on salue la Ligue Braille également. Mais non, mais attends, Mohamed, tu peux pas dire ça, ma gueule. Mais oui. Tu dis que toi, t'es homosexuel et que tu l'aimes, ok? Tu sais quoi? Je pense que Mohamed fait ça pour se faire remarquer. Ah! Et c'est pour ça. Tu veux que je te donne des cours de canulariste? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, Mohamed, bravo à toi pour ta victoire ce soir. Je te repasse Sandro au standard et tu repasses quand tu veux, d'accord? Attendez, je peux avoir une musique, s'il vous plaît? Ah, Mohamed, ça fait combien de temps? Ça fait une heure qu'il est là et jamais il veut partir. Chaque fois je lui dis au revoir. Attendez. Et à chaque fois il faut, il a besoin de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que Toff te torche le cul ou non? Bon, qu'est-ce que tu veux écouter? J'aimerais écouter du Daniel Balavoine, s'il vous plaît. Daniel Balavoine, bien sûr. Balavoine. Ah, Balavoine, d'accord, ok. Balavoine. Eh ben, écoute, j'ai envie de dire d'accord. Qu'est-ce que tu veux comme chanson de Daniel Balavoine? Le chanteur. Tu veux le chanteur? Oui. En plus. Le présent, je m'appelle Henri Huy. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Donc toi, tu connais bien les chansons de Daniel Balavoine. Hein, ça s'appelle Le chanteur. Je suis un grand fan. Ah bah, grand bien fan. Sûr, évidemment. Mais t'as quel âge? J'ai 16 ans. Mais qu'est-ce que tu écoutes Daniel Balavoine à ton âge? Je me présente, je m'appelle Henri. C'est ça? Je voudrais bien réussir ma vie. Eh ben c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Salut Mohamed. D'accord. Allez, salut Mohamed. Allez, ciao. Oh là là là là là. Mais quelle lourdeur. Bon, allez, bah karaopé du coup dans quelques minutes. D'abord, on va d'abord se faire évidemment, eh bien, les derniers appels malveillants. Des vrais. Ah oui. Il y aura Elisa aussi dans l'Ariège. Salut Elisa. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va bien. On parle de quoi dans un instant avec toi, Elisa? Comment? J'ai dit, on parle de quoi dans un instant avec toi, Elisa? Ah, bah en fait, il y a un prof qui a fait concu à la CPE du lycée. Oh, c'est bon ça! Bah, reste avec nous, tiens, on va en parler là. Reste, on en parlait tout à l'heure justement avec Mehdi qui nous avait appelé d'Algérie. Et puis, bah, on se fait les appels malveillants maintenant, hein. Comme depuis tout à l'heure, comme tous les soirs d'ailleurs. On appelle des gens grâce au numéro que vous nous envoyez sur le mail de Toff, toph@finradio.fr. Et puis, bah, c'est parti, on y va? Allons-y! Et on avait appelé parce que. Bah, j'ai oublié maintenant. Bah, parce que. Ah, il a oublié aussi cet abruti. Qu'est-ce qu'il est con, il fait le malin en plus là. Donc je disais, voilà, eh bien nous allons appeler changement de sexe. Le changement de sexe de la R. Kelly, fille, voilà. Exactement, ouais, R. Kelly est devenu la fille d'R. Kelly est devenue son fils. Elle a subi une opération pour devenir un homme à 14 ans. Et donc du coup on appelle les gens pour leur demander s'ils ont déjà voulu changer de sexe quoi. Ouais, mais c'est Damien, il m'a trop perturbé quoi. Bah c'est ça, c'est clair. Je sais pas si je vais y arriver là. Tout ce talent là qui nous a mis en pleine gueule, on a failli étouffer, c'est vrai. Allez, c'est parti. On y va, on appelle, 1h32 sur Fun Radio, bienvenue, bonne nuit tout le monde. Et jusque là tout va bien, ça sonne. Ce serait mieux si ça décroche. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pensé à changer de sexe, madame. Eh ben, ça a le mérite d'être rapide, hein. On va donc rappeler encore un coup. Retour. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme et on a été coupé. Oui, et mes couilles, tu les connais? Non monsieur, pourquoi je devrais connaître vos couilles? Parce que quand tu joues au boule, tu poses à mes couilles, tu comprends Pélé? Non, je comprends pas. Alors, monsieur. Va te faire enculer. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Oh, bah va te faire enculer, ça on l'a bien compris hein, pour le coup, mais on va quand même rappeler encore un coup justement. On y retourne à 1h33, toujours sur Fun évidemment, jusqu'à 2h. Oui, je m'excuse monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous me dites ça, parce que ça a aucun rapport avec la question. La question, tu la poses à ma femme? Bah oui. C'est ça, oui. Eh ben tu restes tomber, maintenant tu grattes mes couilles, tu me mets dans le cul, et je suis ravi, espèce de pédé. Mais ça n'a aucun rapport avec la question, monsieur. Ah, je suis au malin. Bah non, parce que moi je voulais savoir si votre femme, elle avait déjà eu envie de changer de sexe. Non, elle n'a pas eu envie. Ah bah voilà, vous voyez, c'est plus simple quand vous répondez à la question, monsieur. Hein, c'est pas la peine d'être désagréable et vulgaire. Ah, si, mais bon, il avait envie de l'être. Hein. Oui, c'est apparemment, ça. En tout cas. Bon, bah tant pis, on fera d'autres demain des appels malveillants. Demain, jeudi, dernière journée de la semaine, en tout cas pour nous. Je rappelle que demain, d'ailleurs, on remettra. Enfin, on remettra pas, on mettra en jeu en exclu total. Merde, pardon. Eh oui, les maillots de football, les ballons de football, et puis les chaussures de football, puisque c'est la Coupe du Monde qui démarre. Le Mondial 2014 démarrera tout à l'heure à 22h avec le match Brésil-Croatie qu'on suivra bien sûr en direct pour vous. Et surtout, on a 450€ de cadeaux à vous offrir demain. Oh là là. Le maillot de l'équipe, l'équipe de foot de votre choix. Attention, il faut que l'équipe soit au Mondial, bien entendu. Hein. Donc choisissez pas le Luxembourg, par exemple. Hein, parce eux n'ont pas été qualifiés, l'Irlande du Nord, tout ça non plus. Donc il faut choisir une des équipes présentes à la Coupe du Monde, la France, l'Italie. l'Italie, le Portugal, la Belgique, je sais pas moi, les États-Unis, le Brésil évidemment, l'Argentine, bref, il y en a plein. Donc si vous voulez en choisir une, bah y a pas de problème, on vous offre en plus le ballon de foot officiel Coupe du monde 2014 et on vous offre aussi bien entendu les chaussures Nike officielles mondial 2014 et ça vaut tout ça à peu près 400 €, donc 450 euros même, et on vous offre ça demain à partir de 23h, donc soyez bien à l'écoute de Fun Radio. Le caropé arrive juste après la pub, donc restez là, on va le faire, promis. On est un peu à la bourre ce soir à cause de notre ami Damien là, qui nous a pris du temps avec son canulariste. Et puis Elisa qui est avec nous là dans l'Ariège. Bon alors Elisa. Oui. On en parlait tout à l'heure donc avec notre ami Mehdi d'Algérie là, qui nous avait appelé parce que il avait grillé son prof et sa prof et son directeur en train de se rouler des patins, voilà, de se galocher. Et ben du coup il est appelé par le directeur demain à 10h du mat et bah il sait pas trop comment ça allait se passer, est-ce qu'il allait avoir des problèmes ou pas. J'étais plutôt juste il a lui dire que c'était pas des problèmes, au contraire, qu'il allait plutôt avoir la main mise sur le directeur puisqu'il avait quand même un gros dossier sur lui. Donc je crois que ça allait plutôt bien se passer. On l'appellera demain pour en savoir plus. Et toi donc, rappelle-moi ce que t'as vu Elisa. Eh ben en fait, il y a le prof, il y a le mec de la CPE du lycée, il l'a trompé avec une élève de terminale. C'est bon ça. Le mec de la CPE ? Oui. Ah ouais. C'est un prof. Ouais. Et t'as vu toi, t'as tout vu ? Ben on était plein à le voir. Oh ! Attends, mais il a fait ça gratos comme ça devant tout le monde ? Non, ils ont fait payer. Ben en fait, non, mais c'était dans les couloirs du lycée, c'était en février, genre. On se réchauffait au radiateur. Ouais. Et on a vu le prof passer. Et genre 10 mètres après, une élève de terminale qu'on connaissait, quoi. Et puis là, on entend le prof dire « Non, mais ça va, il y a des gens en bas et tout. » Et puis la fille, elle a dit « Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on les connaît pas. » Ils se sont roulés une grosse pelle. Et après, il a ouvert le port de l'internat et ils sont montés ensemble. Ah putain, sympa. Ça t'a rapporté des points ou pas, le fait de négocier tout ça, non? Comment ça, est-ce que ça t'a rapporté des points? C'est un business, hein. Mais non. Non, mais je sais pas, moi. T'aurais pu négocier avec le prof. T'aurais pu négocier avec le prof, d'avoir des meilleures notes, des trucs comme ça, tu vois. Non, mais c'était pas mon prof, enfin, moi, je l'ai jamais eu, ce prof. Ah, merde. Ah, déception totale. Bah, c'est foutu, alors, très bien. Bon, et donc, du coup, personne n'a eu de problème, même eux, ou ils ont eu des problèmes, quand même, eux? Non, mais en fait... Non, parce qu'après je l'ai pas divulgué à tout le monde non plus, mais c'est juste ceux qui l'ont vu en fait. T'as été honnête, quoi. Peut-être ils l'ont raconté, je sais pas, mais il y en a qui ont été vachement choqués parce qu'il l'avait comme prof et il est super sympa avec les élèves apparemment. Trop même. Plus, un peu trop sympa même, ouais, c'est clair. C'est sûr, ouais. C'est sûr. Eh ben très bien, il aime donner de sa personne. Exactement. Merci en tout cas d'avoir appelé Elisa. Et attendez. Oui Elisa. Je peux passer une dédicace ? Ben bien sûr, à une personne choisit la bonne. À ma petite sœur Shaima, c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, quel âge est-elle ? 15 ans, je crois. 15 ans. Bon, ben on l'embrasse et bon anniversaire à elle. Alors, gros bisous à vous deux les filles. Merci. Salut, bonjour. À vous deux, ciao. On va se faire le karaopé dans quelques minutes. Karaopé, c'est des extraits de musique transformés en version paix qu'il va falloir découvrir. D'habitude, on fait ça vers 1h du mat, mais là, on est un peu à la traîne. Il y a Simon, il y a Sophie, Victoria et Kevin qui vont jouer avec nous dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, vous restez là aussi, puisque je vous cale dans quelques secondes le son de, je l'ai promis, Armin Van Buuren qui va arriver, la ping-pong. Ça va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, à 2h-20, on est en direct jusqu'à 2h. On termine 2h sans pub et on remet 1h sans pub. Juste après ça, on revient dans 3 secondes sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, et dans 20 minutes également, il y aura Polo contre le reste du monde avant de terminer l'émission. La bonne ce soir, hein. On fait vite un petit point top tweetos, ce Toff là, 2h-20. 20 minutes avant la fin de l'émission, on voit qui est dans le classement, donc on y va. Parce qu'il regarde la télé, donc forcément il écoutait pas l'émission. Non, je regarde les canulars de Damien, c'est un grand moment, faudra qu'on en passe d'autres. Hein. Bon alors, numéro 5 actuellement, qui est numéro 5 avec le hashtag Mickaël Fun Radio, 20 minutes avant la fin de l'émission là. Pour le moment, personne. Comment ça? Bah, je sais pas, ça a bugué. Oh là là, le nombre de fois où ça bug. Au prix où on paye. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, bon, on l'a ou pas? C'est, ouais, c'est bon. Ah bah voilà, numéro 5 qui est là. Alors, numéro 5, c'est Corentin. Numéro 4, Mister Steven. Numéro 3, Benjamin. Numéro 2, Fabien. Et qui est numéro 1 à 20 minutes de la fin? Mister Captain Wasabi. Eh bah voilà, très bien. Bon, si vous voulez changer ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à le faire. Vous mettez le hashtag MIKL Fun Radio et puis vous mettez votre message et ça vous fera monter dans les stats. Je vous souhaite évidemment bonne chance. On se fait comme promis le son d'Armin Van Buren maintenant avec Ping Pong. Et si vous voulez participer à l'émission, Apollo contre le reste du monde, ouais, par exemple, eh bien appelez-nous 01 42 48 5000 et envoyez MIKL suivi de votre message par SMS au 64 900 si vous voulez réagir à l'émission. Vous êtes bien sûr les billets. Bienvenue, c'est Mickaël No Limit. Armin Van Buren à l'instant, c'était le son de Ping Pong sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer, Mickaël No Limit. On est là, il y a Nadia qui dit mon secret de beauté, écoutez Mickaël No Limit. Ma peau s'est embellie depuis et mes cheveux sont ultra soyeux. Ah bah c'est bien Nadia, c'est pas mal. Anthony qui dit salut l'équipe, moi c'est Anto, ce qui me rend heureux c'est de me faire sucer. Bah hey, forcément. Benji, bordel le mec il m'a achevé tout à l'heure. Et Nathan qui dit pourquoi vous jouez plus le pipeau? Bon, on l'a cassé en deux le pipeau, mais il y a un nouveau qui arrive normalement, en tout cas j'espère. Ce qui me fait plaisir c'est de dormir jusqu'à 13h, de passer en première S et de vous écouter, c'est Marc. Eh ben très bien, ben, jusque là écoutez tu peux le faire, hein. Après dormir jusqu'à 13h je sais pas, mais écoutez tu peux le faire. Il y a le gainage qu'on va faire dans quelques minutes, mais avant ça c'est l'heure du karaopé. Le karaopé c'est maintenant, c'est avec Simon et Kevin qui sont là pour les mecs. Salut Simon, salut Kevin. Salut l'équipe. Comment ça va? Salut. Ouais, tranquille, hein. Tranquille. Bon, Simon qui appelle de Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence et Kevin qui appelle des Alpes-Maritimes dans les Alpes dans les deux cas. Donc c'est très bien. Et de l'autre côté, il y a les filles, Sophie qui est avec nous de Rouen et Victoria qui est avec nous de Mulhouse. Salut les filles. Salut. Salut, ça va bien? Oui. Bon, vous n'êtes pas sans savoir, les garçons et les filles, que donc la Coupe du Monde démarre, ça y est, c'est fait. Pendant un mois, vous allez en prendre plein la gueule. Que ceux qui aiment le foot soient ravis, que ceux qui le détestent prennent leur mal en patience. Oh, c'est que un mois sur quatre ans, hein. Mais oui, c'est rien. Bon, si on compte pas la Coupe d'Europe. Oui, mais bon, c'est une autre coupe, c'est pas la même. C'est vrai que c'est pas la même chose, évidemment. Bon, on va faire le karaopé. Le principe du karaopé est très simple. Je vous passe un extrait de musique, d'accord? Transformé, ouais, en version paix. Il faut me donner la version original, d'accord? Et comme la Coupe du Monde démarre donc aujourd'hui, c'est des chansons qui ont un rapport avec la Coupe du Monde ou avec le football dans l'absolu, en règle générale, d'accord? Allez, ça marche. Bon, vous êtes prêts? Okay. Le premier qui a le nom du groupe, le nom du chanteur ou le titre de la chanson doit d'abord donner son prénom bien fort, ok? Ok. Allez, okay, c'est parti, 3, 2, 1, je vous balance l'extrait. Ah, il est hard celui-là, je vous annonce. Hein. C'est une chanson qui a été faite rapport à Zizou. Sophie. Zidane, il a marqué, Zidane, il a tapé, non? C'est ça? Ouais, mais... Bah oui, c'est ouais, ça. C'est pas le titre. Il a tapé dans la tête. Ah oui. La coup de boule. Bah, c'est ça le titre. Bah, c'est Zidane, il a frappé. Attends, le truc, il était torché quand même. Il était perché. Bravo, c'est qui a trouvé, Sophie? Ouais. Eh ben bravo Sophie, un point pour les filles. On est passé à l'extrait suivant, ça devient un peu plus simple quand même. Un grand chanteur français qui a fait cette chanson pour rien, puisque de toute façon ils sont pas descendus du bus. Vous avez non, pas c'était celle d'avant, voilà. C'était celle d'avant, c'est pas celle-là. C'est celle d'avant? Ah ouais, bon, ouais, c'est celle d'avant où ils sont allés en finale. D'accord, ok. Pas d'idée? Non. Son nom de famille, ça ressemble à des vacances en anglais. Putain. C'est simple alors. Okay. Donnez l'idée. Ah, vas-y, Sophie. Ouais, donnez l'idée. Mais oui. Eh oui, là-bas, là, elle s'est vite assise l'année d'après. Bon, enfin bon, la fois d'après plutôt. Bon, alors, deux points pour les filles. Les garçons, c'est quand vous voulez, vous pouvez jouer aussi si vous voulez, hein. Ouais. Bon, alors, plus, attention. C'est pas comme si les indices étaient gros comme des c'est maisons. C'est ça. Attention, ça, c'est un extrait de. C'est un son qui passe sur Fun actuellement, là. Kevin. Pitbull, we are one. Ouais, oui. Facile. Attention, extrait suivant, 2-1 pour les filles, toujours, on y va, c'est parti, toujours en rapport avec le football, bien entendu. Sophie. Shakira. Ouais. Eh ben pas mal du tout ça, pas mal, pas mal. Putain, ça fait déjà 4 ans l'Afrique du Sud là. Eh ouais. Quelle violence. T'as un Waka Waka, j'ai l'impression qu'il est sorti l'année dernière. Mais c'est ça. Oh là là. Bon, attention, dernier extrait. On avait 21 ans. On est à 3-1 pour les filles. Le dernier extrait compte pour 10 000 points. Wow. Ah oui, c'est... Wow. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais, ouais. Je ne donne aucun indice. Écoutez bien. Oh. Ah oui. En facile. Ah putain. Oh, bon, j'aimerais bien, mais... Vous avez pas d'idée, putain, il est facile. Il est archi non. simple. Je le remets. Victoria. Victoria. Ah non, alors, non, non, non, j'ai pas fait ce jeu pour la Coupe du bon, monde. Allez, je donne un indice, c'est un latino. Vous voyez pas? Non. Non, mais vous êtes pas sérieux. Allez, je vous mets le début là. Oh, si vous trouvez pas. Oh, la SMS, il trouve là au 64-900 et par Twitter avec le hashtag Mickaël Fan Radio ou pas. Je le remets encore une fois, après c'est fini. Non, sur la SMS, c'est mauvais. Si vous avez une idée là, 64-900, vous mettez Mickaël. Sur Twitter, ça fait 1000 ans que vous en trouvez. Ah bah d'accord, ok. Allez, allez, allez. Tu-i-yo. Allez, allez, allez. Un latino, merde! Ah putain! Alors quoi, Sophie? Ah, je connais pas, je sais plus ce qui semble. Ah bah c'est con, hein! C'est con de perdre là sur la question à 10 000 points! Ah bah ouais, 10 000 points là, Sophie là! Ouais, ouais, mais encore! Allez! Un effort! Malheureusement! Malheureusement! Personne ne trouve. Oh. Les 10 000 points restent dans ma poche. Et c'était Ricky Martin. Bon, on est quand même mieux aujourd'hui quand même hein, avec Hein ouais, ça fait un peu moins foot, c'est vrai, mais je trouve que la chanson est quand même vachement meilleure, effectivement. Bon, et bah du coup, bah bravo les garçons là. Hop là, victoire pour une fois, d'habitude c'est les filles qui gagnent. Hein. 3-1, pas mal. Merci, merci. Bah oui, mais écoute, faut le dire quand c'est bien, c'est pas mal. Bon bah Simon et Kevin, vous allez retourner au standard. Et puis bah Sophie et Victoria, bah merci d'être passées les filles, un gros bisou. Hein. Les filles qui avaient 3. Oui, c'est, il me semble aussi. Hein. Ah ben c'est pas ce que j'ai dit. Ah non, non, non, non, non, c'est vrai. Ah oui, oui, bien sûr, autant pour moi. Bravo les filles. Et alors l'enculé de Kevin là et Simon, ils disent pas non, tu t'es trompé. Ah bah merci, merci, je prends la victoire pour moi. Putain, bande d'enfoirés. Qu'est-ce que c'était beau. Bande d'enfoirés. Bravo les filles. Voilà, et merci. C'est Kevin qui vous offrira un cadeau. Exactement, ouais. Bon, pas de problème, un joli cadeau, ouais. Ça va alors. Bon, bah salut à tous, en tout cas, merci d'avoir joué. Et puis on rejouera évidemment au Caropet la semaine prochaine. Polo contre le reste du monde arrive dans 5 minutes. Ouais. Et on se fait le gainage là. Ouais. Allez, on y va. Allez, hop, c'est parti, on y va en mode gainage. Je rappelle donc le principe depuis 3 semaines maintenant. On se met tous les soirs par terre sur le parquet de la radio du studio. Et puis, bah, le but, donc, se mettre en mode comme si on allait faire des pompes, sauf qu'on reste sur les avant-bras. Et l'autre but évidemment, c'est de tenir 20 secondes, 30 secondes et ainsi de suite. Et là on est arrivé à 120 secondes. C'est ça, on est à 120 secondes, c'est-à-dire que ça commence vraiment à être hyper hardcore. Mais Polo il chauffe là. Polo il est là, il se fait hop là, il se fait. Il chauffe les muscles, il se remue les fesses. Ça sert, je crois que ça sert à rien de courir dans le studio. Et Mickaël il arrive, tranquille, pépère. Il se dit oh là là, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Ça va la descente ou c'est. Non mais je garde. Oh là là. Attends, attends, je garde la force. Oh là là, papy! Je garde de la force, ah bah, je garde de la force. Ouais. Bon, alors on y va, c'est parti, mode gainage, on y va. Autant dire, je suis pas motivé d'une douille. Oh, mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, comptons peu, mais comptons bien. Ouais, parce que 120 secondes, ça va quand même être. Ouais, bah c'est 2 minutes, hein, en l'occurrence. Oh, hein. Allez hop, 2 minutes, c'est parti, on y va, on est toujours là en mode. En mode ça fait chier quand même, hein, juste à la fin de l'émission. Ce qui va être bien, c'est Polo contre le reste du monde juste après. Ah oui, oh, il va être fort. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Allez, go. J'en peux déjà plus là, hein, je l'annonce. On est à 5 secondes. Je vais quand même me mettre dans la position de Clara Morgan quand elle l'a fait avec nous dimanche soir. Avec les jambes écartées à l'arrière là, forcément. Et bah écoute, en tout cas moi ça me fait moins mal au dos, donc après plus facile ou pas je sais pas, mais avec les jambes écartées vers le haut, ouais. En tout cas Clara Morgan l'avait fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir sur le YouTube de l'émission là. Abonnez-vous à ma chaîne, tapez Mickaël officiel, et puis vous allez voir le magnifique postérieur de Clara Morgan. Oh là là là là, très très très agréable, hein. On t'entend pas, Tof, c'est pas la peine de gueuler comme ça là. Voilà, on en est à... Oh putain, 50 secondes seulement. Oh quel jeu de merde. Oh putain. Lequel va lâcher à votre avis? N'hésitez pas à donner vos avis, hein. T'as fait taper Mickaël espace votre avis justement au 64 900, ou alors avec le hashtag Mickaël Fun Radio sur le Twitter de l'émission. Oh putain, on est à 53 secondes là. C'est pas possible. Non, je vais lâcher. Encore 45 secondes. Allez. C'est dur là. Yeah. Il reste 35 secondes. Mais non, mais c'est pas possible. Yeah. J'avoue que je galère aussi là. Fait trop mal. Combien? Il en reste 20. Oh putain. On souffre. Vas-y. Encore 10. Putain. 5, 4, 3, 2, 1. Oh putain. Oh putain. Oh vache. Et vous imaginez que quand il va falloir tenir 270 secondes, c'est plus que le double encore. Oh là. Putain. Putain, je sais plus, j'arrive plus à me lever là. Allez, papy, oh. Courage. Oh putain. Oh, le dos. Oh putain, c'est ça d'une me fait violence. Un peu moins mal au dos avec le mode Clara Morgan. Ah bah tant mieux. Mais ça, c'est depuis que j'ai couché avec Clara Morgan, ça va beaucoup mieux. Ah bah oui. Tu vois, j'ai trouvé les trucs. Enfin, couché, je me suis couché à côté. Oui, elle, quoi. Oui, on a bien compris. Mais ça va. T'es beaucoup allongé, mieux. Quoi. Ouais, ça va beaucoup mieux, ouais. Oh, eh ben, putain. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne là avec le Polo contre le reste du monde. Mais oui, allez. Polo, en plus, il a l'air en pleine forme là, il a l'air bien. Hein? C'est, on sent le mec musclé. Il a l'air taquet. Frais. Oh, il a l'air complètement frais. Oh putain, je suis dans un état là. Oh quelle violence. Et si vous faites ça avec nous là, bah, déjà vous êtes complètement con, hein, parce que vous le faites volontairement, donc c'est quand même curieux. Et peut-être un petit problème psychologique, oh. J'ai envie de dire. Je suis mort. Oh putain, j'ai mal au dos. Complètement mort. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Et après ce magnifique jingle offert par Clara Morgan, nous allons commencer Polo contre le reste du monde tout de suite avec Poutine. Poutine, on t'écoute. Eh bien, bonsoir Polo. Bonsoir Poutine, le fou. Oui, Polo. Oui. Je suis complètement fou. De quoi? T'es fou de quoi? Je sais pas, je vois des petits bonhommes roses partout. Bah écoute, consulte, va voir un psy. Marvin. Oui. Ah, le retour. C'est allô? Ça. Ouais, Marvin. Oui, allô. Ouais, ça va? Ça va, allô. Marvin. Oui. Bon, allez, va te faire foutre. La bande-annonce. Par les producteurs de Very Bad Trip 3. Un film tant attendu, Doo Movie, en exclusivité avec Polo, le maître de la cérémonie. Ils sont là, ils ont moins de 15 ans. Ils vont intégrer une équipe. Une équipe de cons. Mais une équipe de jeunes. Attends jeunes deux filles. Secondes, la bande-annonce. Maëva. Wesh Polo, bien ou bien ma gueule? Bien ma gueule, et toi? Tranquille. Pépère ou quoi? Ouais, posé, vas-y, tranquille. Je t'écoute. Ah, c'était pour savoir si t'allais bien. Ben, je vais très bien, merci Maëva. Poutine, le retour. Dis-moi, est-ce que t'aimes les gros culs? Écoute, j'ai envie de vomir, me parle pas de gros cul, là. On a fait le gainage, j'en peux plus. Ok, Poutine, j'aime pas ça, voilà. Le fou. Polo, là, j'en veux plus. Non, j'en peux plus, non. Qu'est-ce que tu veux? Je vais mourir. Bah meurs, qu'est-ce que je te dis? Marvin, le retour. Ouais, non, mais j'en peux plus non plus, là. Qu'est-ce que tu veux, Marvin? Allô? Qu'est-ce que tu veux, Marvin? Une blague. Une blague de quoi? Une blague de merde. Oh là là là là, la bande-annonce. Un maître, Polo, insulte-toi. Un doux. Je suis un connard, un fils de pute, un enculé. Il est là, Tape-toi sur le téléphone, sur ta tête. Oh là là, tu es hindou. Le film dans les box-office dès le 15 juin. Bravo, pas mal. Maëva. Ouais, je suis Polo. Ouais. Ça va quoi? Ça va très bien. Tu n'as pas autre chose à dire, Maëva? Poutine. Dis, est-ce que tu veux un remède pour ton dos? Ouais, je t'écoute. Va te faire sodomiser par un âme. Oh là là là là là là là là. Le fou, le retour. Tu me suces un coup. De quoi? Tu me suces un coup. Avec plaisir. Marvin. Ouais, je te parle au fou, juste. Vas-y, le fou, Marvin veut te parler. Oui. Moi, ouais, tu sais comment on connaît un fou dans un magasin de chaussures? Il essaye des boîtes. Oh là là, putain, Marvin, je t'avais interdit de faire des vannes comme ça. Mais j'ai gagné. Sale con, va. La bande-annonce, la fin. Polo, insulte-toi. Non. Je suis un fils de pute, un enculé. Nique ta mère, je suis un enculé, un connard, un pédé. Super, Maëva, conclusion, s'il te plaît. Ah, Polo? Ouais. Je peux chanter le générique avec toi. Ok, reste là. La bande-annonce, conclusion. Ferme ta gueule de merde, ton enculé. La Poutine. Poutine, conclusion. C'est une dédicace à Virginie. Ouais, allez, casse-toi. Et plus jamais on refait le gainage avant ça, je peux plus, là. Le fou. Je vais essayer de dormir avec mes petits bonhommes roses. Super, bah bonne nuit à toi. Marvin. Ouais, j'en ai une dernière pour... Allez, casse-toi, tu reviens demain. Maëva, tu restes ici. Et la bande-annonce, conclusion. Le 15 juin, une séance à 18 centimes. En exclusivité pour voir des petits cons en train de se faire sodomiser. C'est intelligent ça, la bande. Bonne Allez, temps. Dégage. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci surtout à ceux qui ne m'écoutent pas. Car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça, ça n'a pas de prix. Ah. Pardon, excusez-moi, c'est une petite erreur. C'est pas mal, c'est pas mal. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Temps de faire le point sur le top Twittos à 2h tout pile. C'est parti, quels sont les 5 meilleurs auditeurs de la soirée, ceux qui ont le plus envoyé de messages avec le hashtag et Mickaël. Faisons donc un petit point maintenant, c'est parti, quel est le numéro 5? Ça charge. Ça, oui, bon, enfin bon, ça charge tout le temps là, c'est relou à la fin. Oui, bah ça charge. Bon bah alors. Bah ça charge. Oh là là. Et ça charge. Et on perd du temps. Et ça charge. Et on perd encore du temps. Et ça charge toujours. Non mais c'est pas sérieux là. Bah si, c'est pas comme si... Oh putain. Pourtant on a un internet qui est rapide, comment c'est que ça traîne comme ça là? Ouais, j'en sais rien. Bah, je crois qu'il était pas en forme aujourd'hui. Ouais ouais, bah j'ai bien vu, le programme il était pas terrible pour le coup ce soir. Bon c'est pas grave, je rappelle que demain aussi on aura des maillots de ouf à vous offrir. Maillot du Mondial 2014, toutes les équipes présentes au Mondial, donc la France, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, etc., etc. On aura des maillots à vous offrir avec le ballon de foot officiel, avec les chaussures à crampons, attention, des vraies chaussures de foot officielles Nike. Tout ça, ça vaut 450€ et je vous en offre demain dès 23h. Bon, c'est bon là, top non, toujours. Non, mais c'est pas possible, le truc est en panne. Bah, j'ai l'impression. Oh putain. Manquait plus que ça, tiens. Maintenant, ils vont tous râler, à juste titre, ils ont tous tweeté toute la soirée. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. Bon, bah, générique de fin d'abord. Alors. Allez. Tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race? Je suis pas ici. Toi, t'es coutu avec un gros négro parce que soi-disant ça doit pas mal critique parce que t'es une petite bite. Ils sont canadiens. Va te faire enculer. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu suces des bites, après tu suces quoi l'enculé? L'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Ma bite. Et ben voilà, merci Maëva, gros bisous et bonne nuit. Et Mickaël? Oui Maëva. Et en plus ça fait bizarre parce que t'as vu dans les clips là du générique? Ouais. Et ben un il a le t-shirt avec la lettre P et l'autre avec la lettre T, ça fait Polo et Toff. Ah, dans Uncle Fucker, le vrai. Ah, dans le vrai. Ouais, ouais, ah oui, c'est vrai. T'as eu l'occasion de y vérifier, toi, Maëva, c'est pas mal. Mais c'est une dédicace du mec qui les a faites. Ah, tu as téléchargé, bah oui, pour t'entraîner, c'est normal. Bien, ah, c'est clair. Bon, salut, gros bisous, Maëva, merci d'avoir appelé. Bisous, tu reviens quand tu veux, ciao. Bon, nous aussi, on t'aime, Maëva, salut à toi, à Toulon. Bon, alors, ça y est, le top tuto se remarche là. Bon, ça alors, y est. Numéro 5, Corentin. Numéro 4, Mr. Steven. Numéro 3, Benjamin. Numéro 2, Fabien. Et numéro 1, Captain Wasabi. Ah, classement quasiment inchangé depuis la dernière minute. Il y en a deux qui ont switché. D'accord, ok, très bien. Bah, bravo Wasabi qui repart donc avec un sextoy à faire part. Passagedudésir.fr. Évidemment, voilà. Passez une bonne nuit, bonne Coupe du Monde demain. Ça démarre à 22h, hein, Brésil-Croatie. Et puis donc, comme je le disais, maillot de foot, ballon de foot et les chaussures, les vrais Nike avec crampons qui valent 250€ qu'on vous offrira demain. Le tout vaut 450€ le pack, hein, comme ça j'annonce. Sympa. Et on vous l'offre demain à partir de 23h en direct sur Fun Radio. Prévenez bien vos amis. Je compte sur vous. Petite question à base de foot, mais facile, enfin pas trop compliqué quoi. Et puis bah ce sera peut-être pour vous du coup. Passez une excellente nuit, on se retrouve demain à partir de 23h. Merci à tous ceux qui ont été connectés ce soir, les twittos, ceux qui étaient sur Facebook, par SMS, bref, à tous les auditeurs. Benjamin, il y avait également il y avait DJ Army aussi, Nadia qui était là, Mr. Steven, Critic Man qui était là également, DJ Daminou, etc., etc. Merci à vous, rencard demain à partir de 23h. Salut, salut. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël Nolimit, nous, on vous laisse pas tomber.